Nous sommes dans les années 20. Adelaide et Guy Finch ont entendu parler qu'un manoir allait être rasé pour laisser place à une université. Douglas Russell est le commanditaire de ces travaux. En effet, c'est son agence immobilière qui a racheté le terrain pour en faire une université de luxe pour les familles défavorisées. Bien que le nom de Russell est connu dans le milieu de la pègre, cet homme a vraiment des envies de noble d'éduquer les plus pauvres pour favoriser l'équilibre entre les différents milieux. À moins que ses intentions ne soient motivées que par des ambitions plus politiques. Vous avez tout de suite été intéressé par le projet de Douglas, et par le poste haut placé de Gary à la Commission scientifique de Londres. Douglas lui a d'ailleurs demandé de devenir le premier directeur de cette future université, et donc pour Adelaide, de devenir la directrice de la bibliothèque de l'université. Donc, Noah, vous êtes donc dans les années 20. Tu es un avocat qui avait une grande renommée à l'époque, mais depuis la disparition de ta fille, Becca, et la tromperie de ta femme, tu es au bord du gouffre. Et la Depuis quoi? La tromperie? la tromperie de ta femme, elle t'a D'accord, trompé. donc elle m'a trompé, Voilà. d'accord. Donc tu es au bord du gouffre. Et depuis D'accord. peu, tu as trouvé des traces sur la disparition de ta fille qui aurait disparu près d'un vieux manoir. D'accord. En Ah effet, oui, en d'accord. voyant la police, que la police n'avançait pas du tout sur cette affaire, t'as pris la décision d'enquêter toi-même et d'appeler certains contacts que tu avais obtenus il y a quelques années en tant qu'avocat. Et du coup, tu D'accord. as appelé la DMO, le département des monstres oubliés. Et donc du coup, là, je vais appeler Serena et Harry Anderson. Noah, Harry, Serena. Harry et Oui. Serena, vous êtes donc des agents de la DMO, vous êtes dans les années 20. Yeah. Vous êtes déjà C'est donc des agents fait. du gouvernement qui viennent d'être affectés à une nouvelle unité, la DMO, Département des monstres oubliés. Vous ne Des vous... monstres, c'est ça? Des monstres Monstres. oubliés. Vous ne D'accord, vous monstre, connaissez ok. pas. Ok. Votre Et du coup. passé... Oui, Noah? Pardon, excuse-moi. Est-ce que je peux avoir une raison pour laquelle je les ai appelés au lieu d'appeler, je sais pas, un groupe de d'enquêteurs privés ou ce genre de choses? De quoi est-ce qu'ils bossent officiellement? Parce que tu savais justement que cette agence était sérieuse, contrairement aux quelques enquêteurs que tu as déjà croisés. D'accord. Mais Tu comprends la... officiellement, ils travaillent sur des choses surnaturelles, c'est ça? Non, je sais pas. C'est l'idée, on bosse sur du surnaturel a priori. Je sais pas, enfin je demande Oui. que. Du coup, des Alors, monstres oubliés. tu sais que tu ne sais pas vraiment sur quelles sont les enquêtes principales de la DMO, parce que jusqu'à ce que tu connaisses Harry et Serena, tu ignorais toi-même le sens de ce sigle, mais tu sais que généralement ils sont assez efficaces. D'accord, ok, D'expérience. on va dire, ok, d'accord. Voilà. De par les retours que tu as eus, tu sais que c'est les plus efficaces, parce qu'ils sont tellement efficaces que leur méthode reste secrète, en fait. Oh yeah. D'accord. Donc du coup, Harry, Serena, votre passé a été effacé après votre arrivée dans le secteur, dans ce secteur d'activité. Et dès que vous avez été accepté au sein de la DMO, on vous a envoyé sur une affaire pour vous tester. Cette OK. affaire a été présentée à la DMO justement par un certain Noah Davis. OK. OK. Maintenant, je vais vous donner le synopsis de la mission. Allez. Un ancien manoir, abandonné depuis à peu près 2 ans, et pas seulement en ruine, a été racheté récemment par la société Douglas & Co, afin d'en faire une prestigieuse université pour les plus défavorisés. C'était une ancienne famille de marchands très prestigieuse à l'époque, et qui a disparu presque du jour au lendemain. Depuis ce jour, on entend tout un tas d'histoires au sujet de ce lieu qu'on dit maudit. Plusieurs enlèvements ont été orchestrés il y a 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois, 3 semaines et 1 semaine. Ok. Malheureusement, ces Intéressant six ça. âmes n'ont même pas été recherchées par la police qui a jugé l'affaire trop mineure pour qu'ils prennent le temps de finir l'enquête. Découvrez le fin mot de cette histoire et arrêtez les coupables si vous le pouvez. Oh yeah. Ok, ça devrait être facile, ça va. Oui. On vous a quand même donné grossièrement une liste des victimes sur un post-it, enfin sur plusieurs post-it. Vous avez donc par ordre du plus ancien disparu au plus récent, Robert Richard, un habitué des bars du coin qui squattait souvent la demeure pour les nuits fraîches. Alicia et Becca, deux enfants de 12 et 9 ans qui jouaient à cache-cache dans la bâtisse. Donc Becca qui est donc... ta fille, Noah. Oui. Oui. Jacob Kennedy, un journaliste en quête de scoop qui avait sûrement entendu parler de cette malédiction et qui aurait tenté d'en savoir plus. Il y a aussi donc Bruce Algrim, un boucher du quartier qui théorise les enfants et qui multiplie les ragots sur sa personne. Il avait été traité de tous les noms, mais n'a jamais rien fait d'illégal, faute de preuves. Et enfin, Jimmy Billy, un coursier de 16 ans qui passait par là et qui aurait entendu un cri venant de la maison. Okay. Est-ce que vous avez besoin que je redise, histoire que vous preniez des notes ou quoi? Peut-être que je note les noms, moi. Ok, donc Robert Richard. Tu prends les notes? Ok, très bien, parfait. Ça t'arrange? On est sur le coup, tout va bien se passer. Et bon, du coup, on a des éléments en plus par rapport à cette enquête Rien, à part que justement ça se passe dans ces bâtisses et qu'il faut que vous ayez voir ce qui se passe parce que même la police a refusé d'y aller. La police, c'est... ils sont pas doués déjà. Ils ont pas mon talent déjà. Et j'ai hâte de voir ce que mon nouveau coéquipier va faire. Et du coup, Harry, t'en penses quoi de cette affaire? Intéressant, ma chère Serena, excusez-moi. Parce que du coup, les sexes seront inversés. Exactement, mais bon. Tout va bien. Je suis une experte, tout devrait bien se passer. Donc, pas autant que moi, vous l'êtes. Nous pouvons donc commencer. Les agents Lynch et Anderson arrivent sur place, à peine 2 heures après leur ordre de mission. Qu'est-ce que vous faites une fois arrivé directement dans la mission? Devant la maison. Vous êtes devant la voiture. Vous êtes dans la voiture, là, vous pouvez commencer à sortir. Bon, bah, je propose qu'on s'avance jusqu'à la maison. Il y a un jardin, non? Il y a un jardin, donc voilà. Noah Davis. Noah. Moi-même. Oui. Voilà. Tu attends donc l'arrivée des agents de la DMO, tu es déjà sur place, caché dans un immeuble en face, à épier l'orphelinat avec tes jumelles, bien décidé à savoir pourquoi ta fille a disparu. Depuis 2 ans, c'est ça? Depuis, elle a disparu, c'est le manoir qui a abandonné depuis 2 ans. Ah oui, pardon. Et ta fille a disparu depuis, du coup, 6 mois. D'accord. Voilà. Et donc du coup, tu vois les agents Harry et Serena arriver devant la maison. Tu vois leur voiture arriver. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu descends direct ou est-ce que tu attends? Je vais descendre. Très bien. Donc tu descends. Je vais les rencontrer. Ok. Donc du coup, je t'invite à les appeler. Ils sont au couvent. Très bien. Je les amène ou? Ouais, attends. Tu peux les amener. Voilà, Harry, Serena, vous voyez arriver. J'arriverai donc en direction de l'orphelinat. Les mains dans les poches, l'air. Le visage assez foncé, assez fermé, comme de mauvaise humeur naturelle. Maintenant, on te voit arriver, ok? Oui. Je m'approche en première, je fais Serena Lynch, agent du DMO, et c'est Harry Anderson, il travaille avec moi. Il est juste derrière, moi. On est le jour, le matin, l'après-midi? Vous êtes le début du soir. Il est à peu près 21h. Pardon. Donc il fait plutôt nuit alors. Oui. Surtout en cette période de l'année où le soir commence à se rafraîchir un petit peu, on va dire. Vous êtes à peu près octobre, septembre, novembre. Plutôt novembre. Bonsoir. Du coup, je réponds. Bonsoir. Bonsoir, hein. Mademoiselle, monsieur. Bonsoir. Désolé de vous avoir convoqué, mais si vous avez lu le rapport. Ma fille a disparu depuis cela 6 mois et la police se trouve en incapacité de régler l'enquête. Je ne vous pas voulu oui. s'en occuper. Oui, on va retrouver votre fille. Mais qu'est-ce... Faites pas attention à lui. À elle. J'espère que je ne puis vous promettre que cela rendre totalement dans vos cordes. Cependant, je vous serai gré de donner bien un peu de temps à cet enfer. Vous inquiétez pas. J'ai encore jamais raté une mission. Très bien. Faut dire c'est ma première, mais... oui, du coup, avez-vous des informations à nous donner à propos de cette ou ces disparitions? Je n'ai ouï dire d'autres disparitions. Cependant, je peux vous faire une rapide description de ma fille. Elle mesure dans les 1m10. Elle est blonde. Elle a les yeux bleus. Anderson, et... notez. Je note. Bah, pas compliqué, je suis blond, voilà. Donc, du coup, les yeux bleus, ça va avec la blondeur. Donc, voilà. Bon, bref, on enchaîne. Bien. C'est noté. Et quand elle avait disparu, elle portait une jupe mi-longue, des vêtements classiques, ternes. Vous vous rappelez la couleur ? Dans les eaux du... Oui, certainement marron-noir, je pense, aux dernières nouvelles. Très bien. Elle ne portait pas de couleur vive. Elle ne porte pas de couleur vive. C'est noté. Bien. Très bien, on va enquêter. Et lorsqu'on l'aura trouvé, on vous dit. Je suis un petit peu interloqué par la manière de parler de la... Cela fait 5 minutes que vous êtes en train de discuter. Et donc, vous voyez une autre voiture qui arrive. Donc voilà, Gary, Adelaide, vous arrivez avec votre voiture. Et vous voyez déjà qu'il y a une autre voiture déjà garée devant. Avec deux personnes assez... avec des costumes assez bien taillés. Harry, Serena et Noah. Qui se trouvent de l'autre côté de la voiture. Du coup, en les voyant approcher, je vais leur demander... je vais mettre devant la portière du conducteur. Remettant en place mon costard. Et... Totalement, de manière assez sèche, bien qu'en gardant la courtoisie, je vais dire, lorsque la porte s'ouvrira... Bonjour. Veuillez m'excuser, mais ce lieu est sujet à une enquête. Il est donc déconseillé de traîner dans le coin durant ces prochains moments. Non. Puis-je vous demander le lieu de votre visite ? Je sors de la voiture et je lui serre la main. En disant... Je suis Gary Finch. Du coup, après un instant, je vais lui serrer la main. Pardon. Ouais. Tu ne rajoutes rien ? Non. Ok. Eh bien, enchanté, monsieur Finch. Cependant, désolé d'insister, cependant, ce lieu est sujet à une scène à une enquête, et donc fermé au public. Si vous n'avez rien de particulier ou si vous n'êtes pas propriétaire de cette bâtisse... À moins que vous auriez des informations. Il me semble bien que si, je suis directeur du lieu. Vous êtes directeur du lieu ? Oh, mais cela change tout. Nous avons pas été prévenus. Ouais, intéressant. Donc vous êtes l'actuel directeur du lieu. Fort bien. Ça tombe bien, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Alors l'actuel, peut-être pas, mais très prochainement. Comment ça ? J'ai eu des connaissances avec l'actuel propriétaire et voilà. Très bien. Pardon. Oui, allez. Mais cependant, vous ne connaissez rien des disparitions qui ont dû avoir lieu dans les environs. Des disparitions ? Oui. Tous lieu par ici. Vous pensez peut-être à un criminel, un tueur en série ? On ne sait pas, on ne peut pas encore tout déterminer, mais c'est bien une hypothèse. Monsieur Davis, est-ce que vous connaissez le propriétaire ou pas ? Aucunement. Et okay, entre nous, je ne suis pas ici pour perdre mes affaires. Pour perdre mon temps. D'accord. Très bien. Je me penche vers Harry. Oui ? Le propriétaire, l'ancien propriétaire qui passe à un nouveau propriétaire, l'expansion, je pense que c'est lié. Je pense aussi, j'ai eu la même intuition. Finalement, vous êtes doué. Vous doutiez de moi ? Pour l'instant, oui, mais maintenant, mes doutes diminuent. Vous allez voir à la fin de l'enquête. Bon, très bien. Allons explorer un peu les lieux. Allons-y, c'est le mieux à faire pour l'instant. Mais puis-je vous demander combien il y a eu de disparitions ici ? Au total, 6. On en a compté 6. La dernière est arrivée il y a combien de temps ? Une semaine. seulement une semaine ? Ouais, seulement une semaine. Et la première ? Il y a plusieurs mois. Plusieurs mois, oui. D'accord. C'est une série de disparitions qui sont assez mystérieuses tout de même, il faut bien l'avouer. Mystérieuses, dans quel sens ? Tous ces gens qui disparaissent au même endroit sur un laps de temps aussi long. Je vais m'excuser, mais qu'êtes-vous venu faire ici ? Exactement ? Il me semble que nous venions à la rencontre de l'actuel directeur, propriétaire du lieu. Mais la... Excusez-moi d'insister, mais j'ai cru lire dans les journaux que l'actuel propriétaire des lieux avait fermé boutique il y a plus de 2 ans. Ah bon ? Ouais, mais s'il doit vendre son... S'il doit passer à un nouveau propriétaire, faut forcément... Au moment où vous êtes en train de discuter de ça, vous voyez une troisième voiture qui arrive et qui se gare derrière celle de Adélaïde et Gary. Oui. Pardon, excuse-moi. Il est mort ou il a juste fermé boutique il y a 2 ans ? Alors, il y a 2 ans, les actuels propriétaires ont tous disparu. Mais une autre personne, voilà, donc c'est ça. De la société Douglas & Co. l'a racheté. Là, bon, d'accord. Regarde, okay. Il les a achetés il y a combien de temps ? Et ben justement, il y a un an et demi, enfin le temps de faire les papiers, quoi. Mais... D'accord. Voilà, c'est l'actuel propriétaire. Donc c'est un homme assez bourru qui sort de la voiture... Cigare déjà au bec, chapeau blanc, l'air un petit peu mafieux. Il s'avance vers Gary, te tend la main. Et te... Bonjour Gary, heureux de vous faire, de vous revoir. Je lui serre la main, en disant également. Qui sont tous ces gens ? Il regarde aussi Adelaide parce qu'il ne l'a encore jamais vu, mais. Donc, il vous regarde tous les quatre. Alors, je vous présente ma fille, Adélaïde. Et voici quelques enquêteurs. Bonjour. C'est Rena Lynch, agent du DMO, et mon coéquipier Harry Anderson. On vient enquêter sur des disparitions qui ont lieu ici, lors de ces derniers mois. Très bien. Je n'étais pas au courant de cela, mais... Je rajoute Noah Davis, père de l'une des personnes ayant disparu sur votre terrain. Rajoutant cela d'un air très très dédaigneux. Veuillez m'excuser, messieurs les enquêteurs, mais en tant qu'enquêteur, n'avez-vous pas la possibilité de faire mes eaux publiques le temps que l'affaire se fasse ? Excusez-moi, Noah Davis. J'ai cru entendre que vous m'accusiez d'avoir fait disparaître des gens. Oh non ! Je n'aurais pas osé. Cependant, si vous vous sentez vexé, peut-être. J'ai juste dit que ces personnes avaient disparu sur vos terres. Mm-hmm. Là est toute la nuance. C'est bien vous l'actuel propriétaire de ces lieux, non ? Oui, effectivement, mais cette baraque est en ruine. Il n'y a jamais personne qui vient ici. À part peut-être quelques sauteurs, mais je m'arrange toujours pour les faire fuir. Et... Comment vous les faites fuir ? Ah, vous savez... Après la grande guerre qui nous est tous tombés dessus il y a quelques années. Oui. J'ai gardé une petite copine et là vous voyez qui sort l'un de ses fusils qui n'est pas rare que vous voyez des gens avec ce genre de fusil là. Ok. Très bien, très bien. Donc, il vous arrive de tirer sur les personnes qui viennent sur... Ah non, vous me prenez pour un fou. Je ne tirerai jamais sur personne. Je n'oserai point. Par contre, seulement, je pourrais très bien faire peur aux potentielles personnes qui squatteraient mon lieu. Il m'a l'air correct. Je ne tire qu'en l'air pour effrayer les gens. Oui, oui, des tirs de sommation, quoi. Voilà. Bon... On va commencer, commencer notre enquête. On va pouvoir commencer. Si vous n'y voyez aucun inconvénient. Eh ben écoutez, de quelle agence vous avez dit que vous venez déjà ? Le DMO. DMO. La DMO, très bien. Bon, bah, de toute manière, je n'ai aucune chose à redire, à moins que vous ayez un mandat. Bon, on doit avoir, non ? Je sais pas. On doit en avoir, bah oui. Bon. Oui. Non, je ne sais pas. Du coup, bah, faut on en a bien. On va commencer à explorer un peu le propriétaire. On va commencer, voilà. Donc on va rentrer donc, dans la demeure. Très bien. Donc okay. Vous voyez la demeure qui s'étend sous vos yeux. Il y a une grande allée qui arrive devant vous et il y a directement la porte principale. Vous voyez qu'il n'est pas forcément possible d'aller par derrière le manoir, étant donné qu'il y a une sorte de grand mur qui délimite tout le terrain. Ok. Bon, on avance, hein, du coup. Très bien, vous avancez. Vous êtes devant la porte du manoir. Eh ben, je propose qu'on rentre. Qui rentre en premier? Toi. Bon, je rentre en premier. Si. Serena? Ok, j'allais, je rentre. Très bien. Tu as quel état d'esprit quand tu rentres? Comment tu rentres? J'étudie un peu la porte déjà au moment où je l'ouvre et je tente de voir s'il n'y a pas des marques dessus, des marques aux alentours. Ouais, je suis en mode recherche d'éléments. Fais-moi un jet de perception. Serena Lynch, tu as donc 25, tu as donc réussi ton jet de perception, oui. Pourquoi je ne trouve pas le... Est-ce qu'il y a un jardin tout autour du manoir? Il y a autre chose que le... Il y a effectivement un jardin, mais il est dans l'enceinte du manoir, en fait. Mais autour de la propriété, je veux dire autour des haies, il y a autour de la propriété, du vert, il y a de la verdure? Oui, il y a de la verdure. Après, c'est principalement une sorte de petit parc qui fait le contour, mais ça appartient pas à Douglas. Mais c'est pas grave. Du coup, par défaut, je vais faire le tour de ce jardin parce que, bah, dans ma tête, ma fille n'irait pas forcément rentrer dans des lieux privés ou ce genre de choses. À la rigueur, peut-être qu'elle irait dans les endroits aux alentours. Mais je vais commencer par. Je vais laisser les enquêteurs faire leur boulot. Et je me méfiant énormément de Gary et Adélaïde pour des raisons évidentes, je ne vais pas les suivre histoire de ne pas avoir à hausser trop de la voix. Très bien. Donc, du coup, je vais faire le tour. Je vais, sans rien dire, les mains dans les poches, faire le tour de la propriété. Très bien, très bien. Les mains dans les poches, pourquoi toujours les mains dans les poches? Parce que je garde mes mains dans les poches. Parce qu'il a des poches. Ça paraît logique. Donc du coup, Noah, tu fais le tour de la maison. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Il y a des petites balançoires. Je cherche d'abord des traces. Je vais fouiller, enfin je vais prendre vraiment mon temps, je vais marcher lentement. Oui. Et je vais chercher d'abord dans le sol, voir s'il y a des impacts de balles. Pour voir si l'homme, le propriétaire, avait dit vrai. Les nouveaux propriétaires, bon, disons qu'ils ont des connaissances, c'est des acheteurs, donc ils m'influent pas vraiment, même si j'aurais bien voulu qu'ils ne soient pas là pour finir l'enquête. Du coup, je vais juste fouiller, voir s'il y a des traces de trous, tu vois, de douilles. Oui. Genre quelqu'un qui aurait tiré dans l'herbe, ce genre de choses. Voir s'il n'y a pas des traces de sang séché ou ce genre de choses, des traces que les enquêteurs. Bah, il n'y a pas eu d'enquêteurs, donc en fait. Ouais. Et même les autres nouveaux enquêteurs, bah, enfin, je leur fais pas trop sans confiance parce que la fille me semble un peu trop perchée, en fait, un peu trop excentrique, à mon goût. Du coup, je vais rester plus terre à terre et je vais d'abord regarder s'il y a des traces évidentes de coups, de balles au sol. Je vais chercher s'il y a des trucs, des traces de terre retournée. Parce que du coup, ça fait seulement 2 semaines, donc peut-être qu'ils ont enterré le cœur sur lui-même. Ce genre de choses. Tu fouilles tu prends vraiment ton temps pour vraiment bien fouiller tout le tour de la maison. Oui, vraiment. Donc fais-moi un jet de perception. Il y a quoi d'autre derrière le bâtiment? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des arbres ou est-ce qu'il y a des... Oui, je t'ai dit, c'est un grand... Un apportis. C'est un grand parc. Ah, il y a un grand parc. Ah, c'est un grand parc. Ah bah, il y a toutes les raisons de fouiller dedans. Derrière, c'est un grand parc, mais qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Ok, ok. Enfin, pas des kilomètres, mais j'ai pas compris. C'est pas mal, ça. Très bien. Donc, tu fais un peu le tour. A priori, tu remarques pas grand-chose. Il n'y a pas l'air d'avoir plus de balles que ça, il n'y a pas l'air d'avoir plus de piétinement, de traces. Pas de sol retourné? À part peut-être juste derrière le manoir. D'accord. Tu es vraiment tout derrière le manoir. Où tu vois que le muret, derrière les buissons, il manque quelques pierres. Ah. Et il y a des traces sous le mur et il manque quelques pierres. Et assez de place, tu le sais, il y a assez de place pour qu'a priori un enfant puisse y passer. Je vais d'abord commencer par voir s'il n'y a pas des traces de vêtements déchirés ou de je ne sais quoi. Des petits morceaux au sol au niveau des buissons. Puis après je vais écarter les buissons et je vais regarder le détail, voir s'il n'y a pas un passage sous ou si justement ça a été creusé pour mettre... Déposer quelque chose. Eh ben, refais-moi un petit jet de perception. Ok. Je vais pénétrer. 67, je sais pas combien est-ce que j'ai. Noah Davis, tu es à 40 en perception. J'ai pas de perception. je suis enquêteur. Je suis avocat. Oui, nice. Tu es avocat. Tu... Okay. Non, tu vois juste un trou dans le mur. Il y aurait à peu près 3-4 briques qui auraient été enlevées, ce qui serait suffisant pour qu'un enfant puisse passer vraiment allongé, quoi. Cependant, il y a un truc que tu peux remarquer assez bien, parce qu'il est quand même assez visible, c'est que sur le manoir... Il y a vraiment un trou derrière ? Ouais, c'est un trou vraiment dans le mur, ou genre en bas du mur, tu vois, il y a des briques qui ont été enlevées, quoi. D'accord, combien de... Enfin, beaucoup ? Assez, ok, assez pour qu'un enfant puisse passer, d'accord. Ouais, 5-6, pour que l'enfant puisse ramper pour passer. Du coup, ça doit mener à la cave, sans doute. Niveau inférieur. Tu vois vraiment que si tu passes ton nez... Si tu mets ta tête au même niveau que le trou, ça mène au jardin de derrière. Au jardin de derrière ? Ouais, il y a un jardin qui... Il y a un petit jardin qui longe la propriété, mais vraiment genre très... Ah, très c'est sur une autre parcelle, quoi. Sur la parcelle du manoir. Sur la parcelle du manoir. Donc il y a un jardin qui est derrière un mur. Il y a un jardin... C'est pas le mur de la maison ? Il y a le mur de la maison, le jardin, le mur du jardin, et ensuite le parc. Ah d'accord, et moi je suis dans le parc. Ok, d'accord, donc ça peut mener dans le jardin, de la maison, derrière le... Ok, d'accord. Voilà. C'est un jardin intérieur, ok, très bien. C'est un jardin intérieur, c'est ça. Ok. Et du coup, tu peux peux apercevoir que juste en face, il y a le mur de la maison. Et si tu peux tourner un tout petit peu, tu peux voir peut-être un bout d'escalier, mais pas plus. Tu remarques très aussi que les fenêtres qui sont juste au-dessus du mur que tu peux apercevoir, il y en a quelques-unes qui sont cassées. Ouais, c'est vraiment... délabré depuis bien longtemps. Très bien. Voilà. D'accord. Et bah, du coup, je vais faire le tour de la du jardin, enfin pas du jardin extérieur, mais enfin si la pseudo forêt bois voilà, extérieur. Voilà, c'est un parc. Le parc, ouais, le pseudo parc, ok, de nuit. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça de nuit ? J'aurais dû faire ça de jour. C'est pas grave. Et du coup, je vais faire le tour du parc tranquillement. Il y a pas un lac ? Il y a pas de lac ? Il y a pas de lac, non. Ok, très bien. Je vais faire le tour du parc tranquillement. Et après, on verra. Très bien, donc je vais te laisser faire le tour du parc. Donc tu vas aller dans la taverne et tu vas rappeler les autres. Serena Lynch. Aujourd'hui, DME. On est là. Très bien, donc. Moi, toujours présent. Serena Lynch, tu avais réussi ton jet à 25. Tu en remarques cette superbe porte qui. Enfin, une porte vraiment en acier, donc elle n'a pas vraiment vieilli. Ouais. Quand tu la pousses, tu sens un petit grincement qui t'est un petit peu désagréable. Ah, c'est bien ancien ce truc-là. Voilà. Ça mériterait qu'on y mette un peu d'huile. Donc, J'ouvre les deux portes en grand. tu ouvres les deux portes en grand et vous arrivez déjà dans une sorte de mini-pièce pour mettre les chaussures, les manteaux, un mini-sas d'entrée, on va dire. Ok. Il y a une porte qui est juste devant. Encore une porte ? Oui. Vous êtes là dans le sas d'entrée. C'est vraiment très petit. Il y a qui nous a suivi ? Qu'est-ce qui nous a suivi ? Là, vous êtes vous quatre. Pour l'instant. Personne. Bah oui. Monsieur Douglas nous a pas suivi ? Non. Très bien. Douglas, si, il est juste derrière Adélaïde et Gary. Ok, très bien, très bien. Du coup, je fais la deuxième porte ? Porte, très bien, tu l'ouvres et vous débouchez sur un magnifique hall. Ouais. Qui vous semble assez sale pour l'endroit qui a été délaissé depuis 2 ans. L'ombrier est assez usé et. Bizarrement, après, cet endroit a été plutôt bien épargné, contrairement à l'ambiance extérieure du manoir. Il y a un grand bassin devant vous. Qui est resté à peu près intact. Par contre, les pots de fleurs et tout ça qui sont par terre. Il faut vraiment que vous vous imaginez, c'est un grand hall. Et même au-dessus, vous voyez, il y a une sorte de balcon, il y a des draps qui pendent un peu partout, des vêtements aussi par terre, des vitres brisées. Et d'ailleurs, vous allez tous me faire un jet de perception. Il y a de la poussière sur le sol ? Oui, il y a de la poussière, il y a des poutres, c'est vraiment délabré de partout. Parfait. 34. Moi je dis parfait. Mais... Harry Anderson. Je pense que Harry Anderson a bien réussi son jet, donc ça va être lui qui va apercevoir un joli petit squelette qui est adossé à une barricade. Et en fait, il est genre à une barricade genre sur le deuxième étage. Ah oui. Qui vous voyez que vu la position sur laquelle elle est, s'il y a un petit coup de vent, il va peut-être tomber. Vous avez vu le squelette là-haut là? Waouh. En effet, oui. Oh là. Ouais, vous voyez un squelette qui pend littéralement dans le vide, accroché par la rambarde. La bonne chose, comme la poussière, c'est que s'il y a des personnes qui ont marché ici, on verra les traces de pas. Après, c'est un endroit où il y a pas mal de vent avec les fenêtres qui ont été brisées, donc le vent souffle surtout en hauteur. Bon. Harry, vous voulez vous occuper du squelette ou... J'ai bien envie de l'examiner de plus près. Mais comment... oui, je peux l'atteindre facilement? Alors, vous imaginez qu'en face, vous voyez une sorte de... En fait, le hall continue sur une espèce de salle assez sphérique. Avec deux escaliers de part et d'autre qui montent à l'étage. Ok, bah, je vais prendre les escaliers. Vous allez vraiment toucher ce squelette? Nous n'avons pas vraiment le choix. Il faut bien l'analyser. On est des professionnels, après tout. Si bon, alors. Et du coup, vous, Adélaïde, vous en pensez quoi du fait que votre père soit le nouveau propriétaire de ce lieu? C'était une bonne nouvelle, vu que j'allais devenir la directrice de la bibliothèque, mais avec cette histoire de disparition, c'est à se demander si... Oh, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que cette histoire de disparition n'est rien d'autre que des commérages pour les journaleux. Ce qui est assez fréquent, finalement. C'est encore une bande de hippies qui fait le malin. Mais oui. Possible. Mais en attendant, il faut voir ce que cette enquête va nous dire. Très bien, donc qui monte à l'étage? Qui veut monter à l'étage pour aller toucher ce squelette? Moi. Moi, je monte pour observer. Je monte. Harry Anderson, Gary, vous voulez monter? Les autres, vous restez en bas? Ouais, je reste en bas et je regarde à l'opposé du squelette. Très bien. Gary? Alors, mon chat Gary, nous pouvons y aller. Gary, Harry, vous... Alors que vous ne connaissez pas, vous vous dirigez vers l'un des escaliers. Est-ce que vous voulez plutôt monter à gauche ou à droite? Droite. Totalement à droite aussi. Donc vous grimpez à droite et vous arrivez, de toute façon les deux escaliers débouchent au même endroit, mais vous arrivez genre à un très long couloir où il y a plusieurs portes. Vous avez directement une porte devant vous, une grande porte à double battant, fermée à clé. Donc on va se perdre. Devant vous. À votre droite, vous avez deux autres portes, et à votre gauche, vous en avez trois. Je propose une porte à droite. Mais laquelle, par contre on va dire la deuxième, je sais pas. Là ? De quoi ? Je ne connais pas les lieux non plus, c'est un peu... Je propose la deuxième porte à droite. La deuxième. Donc celle qui est le plus au fond du couloir. Voilà. Ok. Donc vous avancez, vous ouvrez cette porte, elle est plus ou moins facile à ouvrir. C'est une chambre richement décorée, elle semble ne jamais avoir été salie, comme si quelqu'un venait tous les soirs nettoyer, et vous allez me faire un jet de perception, car la pièce est dans le noir, à part ça. Ok. Oh. 30, Harry Anderson, 30. Moi j'ai fait 5 au-dessus. Elle a fait 5. Elle a fait 5, très bien. Donc Gary, tu es le premier à voir deux squelettes allongés sur le lit. Vous avez 5 secondes pour réagir. 4, 3, je cours. 2, 1. Je m'avance vers eux. Vous faites quoi? Je m'avance vers eux. Tu t'avances vers eux? Et Harry, moi, tu... je suis parti. Harry, tu... Je suis sorti de la pièce. Donc, Harry, tu t'avances vers eux. Tu es bien courageuse. Le détecteur, trop courageux. Attends, les morts, ils sont morts. Je sens mal. Ils sont peut-être piégés. Donc, tu vois l'un des squelettes commencer à bouger sa main et sa jambe comme s'il était en train de se relever. Gary. Il m'a fait partir. Je m'arrête. tu t'arrêtes. Harry, tu vois Gary s'arrêter. Bah moi, donc je vois aussi le squelette ou pas. Tu es à l'entrée de la porte, donc oui, tu peux le voir plus ou moins. Ouais, j'ai compris qu'il y a un truc à l'épaule, du coup. Ouais. Je m'en vais, Gary, ce qui se passe. Oula, t'es un peu bugué. Tu fais quoi, Harry? Non, je lui demande ce qui se passe. Gary, qu'est-ce qui se passe? Là, je me retourne vers elle, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu affaire à des cadavres avant. Avez-vous déjà vu un squelette bouger comme ça? Bouger? Bon, ça a bien dit qu'il avait bougé. Vous ne l'avez pas vu? Pas vraiment, je dois avouer que j'ai pas bien vu, moi. J'ai pas bien regardé. Peut-être que j'avais, alors. Je pense que je continue de m'avancer un peu vers eux. Pendant que vous êtes en train de parler, le squelette qui a bougé commence à se lever brutalement et commence à s'avancer vers toi, Gary. Ah, mon dieu. Je pense que je me fige. Ah, mais ça avance vraiment. Ah oui, ça avance vers toi, là. Je me barre bien. Vite, venez vers moi, courez. Faut qu'on ferme la porte, là. Ouais, viens, on ferme la porte. On va un 4 se ferme. 4. On ferme la porte. Allez, faites un jet de corps. Ah, c'est bon. Attends, parce que Gary, c'est pas dit. Alors, ouais, c'est vrai que j'ai une force de merde. Gary, corps, tu es à 15. Malheureusement, 17, ça ne passe pas. Oh, mais genre. Oh, c'est vrai, je veux jamais faire. Ah, putain. Je peux rien faire pour l'aider Vas-y, fais un jet de corps, vas-y. Alors. T'es juste à côté de la porte, donc toi, ça sera peut-être... Mais c'est quoi, cette histoire? Surtout que en 4... Oh. Tu es à 80 encore et tu as fait 88. Vous essayez de fermer la porte. Et vous voyez le squelette qui bloque la porte avec son bras squelettique. Et qui commence à l'ouvrir petit à petit, mais bon, c'est un squelette, donc ça lui prend quand même du temps. Je peux lui broyer, il n'y a pas un objet là que je lui broie le squelette là. Tu as ton pistolet. Je sais pas si ça va servir à grand chose. Pas tirer, mais je vais lui mettre des coups de... Un coup de crosse ? Ouais, voilà. Et bah, fais-moi encore un jet de corps. Alors, un des s'il te plaît, me lâche pas. Merde. Très bien. Donc tu lui donnes un coup de un cross et il s'écroule en dehors de la salle et du coup vous pouvez maintenant refermer la porte. Et est-ce que vous retournez avec les autres? Je pense que on devrait aller part de notre découverte. Très bien. Vite, moi, avant qu'il tombe sur un autre truc dans le même genre. J'hésite à rouvrir la porte et à vérifier s'il n'y a pas des fils. Quelque chose comme ça, qui a manié le squelette. Tu crois? Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Mais d'un côté... Je vous invite à réfléchir sur ça, et pendant ce temps, vous allez aller à la taverne et m'appeler Noah Davis. Ok. Re Noah. Donc, tu as bien pris ton temps pour faire le tour du parc, il n'y avait à peu près rien. T'as peut-être vu un côté 2-3 clodos qui squattaient quelques bancs, mais à part ça, pas grand-chose. Dans le parc? Ouais, vraiment dans les parcs, qui est clairement à l'extérieur du manoir. Là. Eh bah du coup, je vais aller vers eux. Tu vas vers eux? Tu vas leur parler? Oui. Très bien, donc tu vas... Du coup, je vais leur dire... Bien le bonsoir, messieurs. Bonsoir, qu'est-ce que... Que me vaut votre présence, monseigneur? Il se trouve que je recherche une jeune fille. Pas plus âgée, pas plus haute que ça. Et je lui montre. S'il y avait des jeunes filles ici, on le saurait, nous. Je vois, donc vous n'en avez pas vu depuis un certain moment, c'est cela? Non. Mais pourquoi voulez-vous? Vous voulez boire un coup avec nous? Allez, venez vous asseoir. Non, merci. C'était pour simple question. Très bonne journée à vous. Ok. Oh, excusez-moi, vous êtes ici depuis combien de temps environ? T'as vu Thierry, depuis combien de temps? Ça fait à peu près 3-5 ans. Ouais, peut-être. Peut-être perdu le compte, mais... Ça fait un bon bout de temps. Ouais, peut-être depuis la guerre. Ouais, depuis la guerre. Bonne soirée à vous. Et du coup, je passe mon chemin pensif. Est-ce que je suis vraiment sûr que ma fille est passée par là? J'ai l'impression de perdre mon temps. Du coup, je fais le tour et je vais... Du coup, peut-être qu'elle n'est pas passée par le parc. Ouais, ça se peut aussi. Du coup, ok, je continue mon tour. J'aurais continué mon tour et puis j'aurais certainement fait le retour en direction de la maison. Après. Ouais, donc tu reviens à l'entrée de la maison, là où tu y as quitté les autres. Oui. Ok. Et donc tu rentres dans le hall. Oui. Ok. Donc au moment où tu vois déjà les portes qui sont déjà ouvertes, donc tu en déduis qu'ils sont déjà rentrés et tu rentres déjà dans une sorte de petit sas, tu sais, là où on peut déposer les manteaux, les chaussures et tout ça à l'entrée. Et tu vois une autre porte qui est ouverte qui arrive devant un immense hall, mais quand je te dis immense, c'est le hall quoi. Mm-hmm. Où tu vois des vêtements déchirés, des vêtements par terre, des bouts de verre, des pots qui sont renversés. Cependant, le mobilier, il y a un canapé qui a acheté à peu près neuf. Il y a le bassin au centre qui n'a plus d'eau mais qui est resté entre guillemets neuf. Mm-hmm. Presque. Et tu vas me faire un jet de perception, toi aussi. Oui, tu allais te le dire. Parmi les vêtements, je cherchais s'il n'y a pas les vêtements de ma fille. Oui, puis tu vas me faire un jet de perception aussi plus global. Hop, descend. 45. Ah Noah Davis, tu es à 40, il me semble. Ouais, tu es à 40. Malheureusement, tu ne remarques rien de spécial à part justement tous ces vêtements qui sont par terre. À la limite, ouais. Peut-être qu'il y en a un qui ressemble peut-être à un des vêtements de ta fille, mais tu peux pas en être sûr. Et donc, ouais, tu retrouves Adélaïde et Serena qui sont restées à peu près vers le bassin. Donc, je t'invite à aller les chercher. Serena, Lynch, Adélaïde, Finch et Noah Davies. Vous êtes donc dans le hall du manoir. Je vous invite, donc vous voyez Noah Davis qui arrive, les mains dans les poches, qu'est-ce que vous lui dites ? Adélaïde, Serena ? Serena ? Est-ce qu'elle est là ? Oui. Ah, c'est bon. Oui. Oui, oui, il y a le squelette qui vient de tomber ? Non, le squelette n'est pas tombé, non. Noah Davis arrive. C'est quoi ? Quel squelette ? Excusez-moi. Là-bas, non. Je montre derrière moi. Non, parce non, que non, mais du coup, vous l'avez pas dit au MJ, mais MJ pas vu de squelette. Le squelette est. Je montre l'étage. Non, non, mais en fait, vous avez pas parlé du squelette à haute voix. Non, non, on a pas parlé du squelette. Non, si, voilà, du coup. On peut considérer qu'ils étaient en train de parler de ça parce que. Oui. Donc, tu as entendu une discussion de squelette et tu peux leur dire, en effet, quel squelette ? Excusez-moi, vous parlez de. Je montre derrière moi, je vers montre l'étage. L'étage. Et tu peux voir un squelette. Et du coup, tu te retournes et à l'étage, sur le deuxième étage qui est visible depuis le hall, tu vois un squelette qui pend et qui est prêt à tomber. Oh. Il est pendu à quoi ? Il est pendu à la rambarde. Genre comme si. Comme s'il avait essayé de sauter, mais. Qu'il était peut-être mort avant, tu sais pas trop. Ne vous inquiétez pas, mon coéquipier est en train de s'en occuper. En parlant de coéquipier, il a. Ok, oh. Le squelette, il fait quelle taille ? C'est la taille adulte ? Si la taille moins adulte, C'est un squelette à taille humaine, adulte. D'accord. Après, tu saurais pas dire, il est très haut, donc ça peut être un ado aussi. Harry, vous trouvez ? Ma fille a 9 ans, donc ça fait un peu moins adulte. Donc ça, a priori, c'est pas ta fille. Et puis, même si c'était ta fille, ça m'étonnerait que pendant 6 mois, elle s'est décomposée à ce point. Parce que là, c'est vraiment un squelette blanc. Enfin, pas blanc, mais beige. Ouais, mais en 2 ans, cette altitude. Enfin, je suis pas sûr que. Ouais. Même en 1 an, là où il y avait la plus grande disparition, c'est impossible. Non, mais attends. Donc, c'est probablement soit. Selon ce que vous connaissez, oui. Oui, l'ancien propriétaire. C'est une créature genre termite. L'ancien propriétaire, il est resté avec vous d'ailleurs. Je demande, où est passé l'ancien propriétaire ? Tu demandes ça à Douglas ? Non, à Serena et à Adélaïde. Ok. Il est là. On sait quelque chose sur l'ancien propriétaire ? Non. A priori, vous ne savez rien. Ouais, bah j'en sais rien. Adélaïde, tu es bien la fille du propriétaire, c'est bien cela ? Non, attends, elle s'est présentée, merde, non, c'est pas ça, je dis la merde. Alors, ses propriétaires, c'est lui. Ok. Mais non, c'est ça. Il y a eu trois propriétaires en tout, mais voilà. Oui, voilà. Non. Mais oui, mais l'actuel propriétaire, il a repris la suite. L'actuel propriétaire est là, c'est Douglas, il est à côté de vous. Bah, pourquoi est-ce qu'il est pas dans la convo? Tiens, c'est un PNJ, c'est moi. Ah, pardon. Ah, sorry, il est là. Ah, il est là dans la. Ah, il est là. Oui, voilà. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, okay. Je suis là, monsieur okay. Noah. Pardon. Non, j'ai pas compris. Ok. Désolé. Et du coup, je vais lui dire... à la folie, vous voulez retirer ce que vous aviez dit, ou... J'avoue que je ne sais pas ce qu'il fait là. Peut-être un élément décoratif. Ouais, non, c'est pas vraiment mon style, non. Et si c'est une blague, elle n'est vraiment pas drôle. Et là, il regarde les personnes qu'il ne connaissait pas d'avant, genre Adélaïde et Serena. Je vais... Vous avez vu, je suis rentré en même temps que vous. Je vais passer ma main au niveau de mon costard, tu vois, juste... Tu vois, le costard, il descend en V au niveau de l'encolure. Oui. De ma veste. Je vais mettre mes deux mains là, parce que dans ma poche intérieure droite, il y a mon sicou. Très bien. Et du coup, je vais mettre mes deux mains là. Et je vais lui dire, bien, monsieur, écoutez, une fois que les enquêteurs ont fait leurs inspections, je compte à vous inculper pour meurtre avec préméditation, en sachant que c'est vous le propriétaire de ce lieu. Pardon, excusez-moi. Quoi ? Vous êtes bien l'actuel propriétaire de ce lieu, non ? Et vous souhaitiez... Est-ce que c'est une menace ? Est-ce que c'est une menace ? Et là, il commence à montrer son poing. Ah, monsieur, écoutez, je suis désolé de vous prévenir, mais je suis avocat. Avocat ou pas, vous n'avez aucun droit. Calmez-vous. Je n'ai aucun droit d'accuser une personne de meurtre alors qu'il y a un cadavre pendu en haut de sa maison. Sauf si que des personnes ont disparu sur son territoire. Sauf si la dite personne n'était pas au courant et ce n'est pas elle qui gère ce lieu. Car voyez-vous, j'ai plus à propriété. Vous venez d'avouer il y a moins d'une demi-heure que vous aviez chassé des personnes de votre lieu. Preuve que vous avez été présent sur les lieux. Et vous ne possédez cette bâtisse que depuis un an et demi. Tu reçois un joli coup dans la joue. Et tu perds un petit point de vie. Tu peux attendez, Serena, c'est bien elle qui s'est présentée comme étant l'adjointe l'enquêtrice. L'enquêtrice oui. Avec Harry, oui, Harry Anderson. Très bien, donc du coup, je me prends une baffe. Je recule d'un pas. Et du coup, je vais regarder Serena et je vais lui dire « Bien !» en tant qu'enquêteur, j'imagine que je puis vous prendre à témoin. Vous l'avez quand même accusé sans preuve. Il est de mon droit d'accuser une personne de meurtre, en sachant que c'est le propriétaire de ce lieu. Mais rien, l'enquête n'est pas encore terminée, du coup nous n'avons pas encore sorti de verdict. Tu vois quand même mais que... Mais je vous en prie, faites, enquêteur, faites. Cependant, il est dans mon droit de le faire. Je précise... Je n'ai pas à prendre mon métier. S'occuper du squelette, Tom. Je précise que Douglas a toujours son fusil dans son dos. Douglas, ah oui. Okay. Oh, en attendant, restez calme pendant que mon collègue fait ce qu'il a à faire. Oui, mais je vais essayer, mais si on commence à m'inculper de meurtre, ça va mal aller. Eh bien, défendez-vous. Qu'est-ce qu'il fait ici? Mais j'en sais rien. Je suis aussi ignorant que vous, monsieur. Ah, pardon, excusez-moi. Et là, tu vois, qu'il ressort de ce lieu. Et là, tu vois qu'il jette son vieux cigare qu'il avait même pas terminé. Donc tu sais que ces cigares-là, ça vaut quand même une blinde. Et tu vois qu'il en sort un et qu'il l'allume et qu'il refume celui-là. On reste calme, personne n'est accusé. Il commence à faire des rondes autour de la fontaine qui est une sorte de rectangle. On reste calme pour l'instant. Personne n'est accusé, personne... Nous manquons actuellement d'informations. Ok, du coup je vais répondre juste non, nous avons un fait certain, il vient de m'agresser. Et nous avons un autre fait certain, il y a un cadavre de plusieurs, d'au moins, qui ne date pas d'hier, dans cette bâtisse qui lui appartient. Et il possède la bâtisse depuis maximum un an, deux ans. Et il a affirmé avoir chassé il y a encore peu des locataires indésirables. Est-ce qu'il vous en faut plus, enquêteur, ou est-ce que je dois faire rappel à la police ? Ce n'est pas forcément moi qui les ai chassés de mon propre fusil. Vous l'avez dit, si, vous l'avez dit vous-même. Le squelette est là. Vous l'avez dit que ce jouet, encore, vous l'avez acheté il y a peu. Encore un mensonge d'avocat, c'est pour ça que je n'aime pas les gens dans votre genre. Le squelette est là depuis plus d'un an et les disparitions ont commencé il y a environ un an. À moins que ce Mademoiselle Serena, est-ce que vous pouvez ou non me certifier, et avoir bien entendu monsieur ici présent, certifier qu'il a. Arrêtez de faire votre baratin d'avocat, vous êtes en train de lui faire dire ce qu'elle n'a pas entendu. Restez calme. Est-ce que j'ai haussé la voix? Oui, mais non, je dis ça à monsieur Douglas, mais vous, arrêtez. Monsieur Anderson, où est-ce que vous en êtes? Ça sent mauvais pour nous, là. Gary, Harry, donc, après votre macabre découverte, vous êtes dans le long couloir, vous avez refermé la porte. Est-ce que vous faites autre chose de particulier? Vous avez réfléchi à quelque chose ou... On s'est dit qu'on allait entrer dans la prochaine porte. La porte qui est juste en face? À côté, c'était ça, vous m'avez dit? Ah non, moi je pensais rouvrir celle-là et regarder le squelette. Ah oui, pour... ok. Oui, pour regarder... Je sors mon flingue d'abord et je le charge. Voilà. Pour regarder s'il y avait... Tu sors ton flingue, Gary? Oui, je le sors et je le charge. Donc tu rentres en premier? Ça, c'est comme Aviv aussi. Eh bah, je te suis de toute façon. Je sors le flingue aussi, tiens, au passage. Ok. Jamais. Je suis bien armé. Vous ouvrez tout doucement la porte et vous voyez le squelette qui était tombé par terre commencer à se relever tout doucement. Je cherche en passant la main au-dessus quelques mécanismes, genre de ficelles, ce genre. Tu remarques rien du tout. D'accord. Tu remarques aucune ficelle qui devrait tenir le squelette et même. Même sur lui, étant donné que tu as fait un très bon jet, tu ne remarques aucune ficelle, c'est juste un squelette avec des morceaux de tissu qui pendent encore à son corps, des lambeaux. Des tissus? Oui, enfin des restants de ses vêtements. J'aimerais bien trouver un moyen d'en choper un morceau si je pouvais. Moi je vais essayer de lui parler un peu. Tu veux essayer de lui parler? Ouais, ça se trouve, il est pas méchant. Ok. On n'a pas essayé. Vas-y, Gary. Du coup, je m'éloigne, parce que je m'étais quand même mis vachement proche de lui. Ouais. Et je me présente, je dis... Bonjour, je me nomme Gary Finch. Je suis le futur propriétaire du lieu. Le squelette te regarde et ne semble pas percuter à ce que tu viens de dire et continue de s'approcher... De plus en plus vite. Et merde. Moi je le sens pas en fait. Moi non plus je le sens 5, pas. 5, 4, 3. Je me jette sur lui pour essayer de l'immobiliser parce qu'il me faut un morceau de vêtement. J'insiste là-dessus. Très bien, fais-moi un jet de corps. Je crois que je vais le regretter. Non, je suis là pour t'aider, t'inquiète. Oh putain. Oh génial. Ok, 25, oh. tu as 80 encore donc c'est nickel. Tu te jettes sur lui, tu l'immobilises, et d'ailleurs, je vais refaire un test. Très bien. Je dois avoir de la force. Hein. Donc, tu arrives à l'immobiliser, tu peux lui retirer même un bout de tissu, tu l'enfourches dans ta poche à vitesse, et qu'est-ce que tu fais ensuite? On part en courant, très vite. Est-ce que je peux pas essayer de le remettre tant qu'il est immobilisé dans sa pièce? Ouais, alors attends. Et vous êtes dans la pièce, hein. Là vous êtes rentré dans la pièce. Hein. Ah. Oui. Ah oui, bon, bah... Attends, avant que je parte en courant, tu veux faire un truc tant qu'il est immobilisé ou pas? Est-ce qu'on peut pas essayer de lui enlever sa tête? Hein? Pourquoi faire? Est-ce que ce serait possible, Morgane? À vous de voir. Tu vois, j'ai plus de tête. Pour l'instant, Anderson a réussi à l'immobiliser. D'accord, bah ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lui enlever sa tête. Vas-y, faut que je traite qu'on aille vite. Fais-moi un jet de corps. Je vais le foirer, mon jet de corps. C'est obligé. Gary, tu es à 15. En effet, tu vois que la tête est limite. Pour toi, la tête est soudée au corps, tu n'arrives pas à l'enlever. Ah, okay. Bon, bah du coup. On part? Ouais. En courant? Ok, bon, on part en courant. Okay, très vite. Moi, je ferme la porte. Et vous la bloquez ou pas? Vous la laissez comme ça? Il vaut peut-être mieux, par sécurité. Il y a un truc pour, autour de nous? Il y a, vous voyez, une petite commode. Un meuble? Une petite, ouais, une petite commode qui traîne dans le couloir. Ah, ah, on peut la mettre? Je peux. Allez-y. Faites-moi un jeu de corps, celui qui veut mettre la commode. Bon, on le fait à deux. Ouais, hop, oups. Anderson. Ouais, pour moi. Et pas. Bon, bah, Gary, tu n'y arrives pas, c'est trop lourd pour toi, mais Anderson, mmh, tu y arrives à mettre la commode devant la porte. Au cas où, même si la porte s'ouvre de l'intérieur, le squelette pourra peut-être l'ouvrir, mais peut-être avec un peu de chance, il ne pourra pas passer la commande. Je l'espère, sinon j'ai fait ça pour rien. Donc, qu'est-ce que vous faites juste après? Alors, Il y a une porte donc à votre droite au niveau du couloir, et sinon les autres portes sont de l'autre côté du couloir, après les escaliers. J'ai bien envie de regarder le morceau de tissu juste un instant, voir la couleur, le textile. Ok, donc tu regardes le morceau de tissu. A priori, c'est un vieux morceau de tissu, mais tu veux me faire un jet de perception. Alors. Oh. 99 à 60. Pour toi, c'est juste un vieux tissu vieux. Un vieux pouce tissu. C'est tout. Ok. Donc un vieux tissu, c'est noté. Est-ce qu'on s'amuse à regarder dans la salle à côté? Moi, j'étais bien tentée d'y aller. Ouais, bah, on aurait quand même pas de bol si on retombe encore une fois sur des squelettes. On aurait vraiment pas de bol. Non, ah, peut-être la chose est tombée sur le démon. Allez, on essaye. Ouais, allez. Allez, c'est parti. On passe à côté. Très bien. Vous ouvrez la porte, vous n'avez aucune difficulté à l'ouvrir, et vous tombez sur un tout petit salon. Un tout petit salon de... avec deux petits fauteuils, un tapis, une table basse, tous déchirés, vieux, sales, la table est bancale, il manque la moitié d'un pied, il y a un petit bassin... qui n'a plus d'eau depuis longtemps sur le coin de la pièce, à l'opposé, ouais, de vous, et une autre porte qui est à votre gauche en entrant dans la salle. D'accord. Notre porte à gauche. Moyen. Oui, en plus, c'est un essai critique, Harry. Je vais remarquer. Elle peut dire, c'est une bonne fille, elle. Peut-être fouiller un petit peu, vu que ça reste quand même mon métier. Très bien, donc faites-moi un jeu de perception. Je vais surveiller la porte là-bas. 34. Très bien, donc tu remarques rien de particulier à part des éclats de verre partout, des bouts de bois qui traînent, des tissus, du linge. Vraiment, l'endroit est vraiment en désert. Et tu as étonné que tu as fait quand même pas mal de bruit à côté. Tu entends des clicotements de l'autre côté de la porte. De l'autre côté de la porte qui est déjà dedans? Enfin, qui est dans, ouais, la salle? La porte qui est dans la salle, tu entends des clicotements. Tu entends ça? Vous entendez ça, Gary? Je l'entends, moi, Morgan. Oui. Bah, si tu es dans la pièce, oui. Ben oui. Oui. Vous pensez à d'autres squelettes? Vous pensez qu'il y a un autre squelette de l'autre côté? Vraiment, cette histoire de squelette qui bouge. Mais... Mmh. Ça me fait envie, je n'ai jamais vu ça. Je vais aller vérifier ça par sécurité, parce que mon devoir de détective m'en oblige. Tu entre-ouvres la porte, tu l'ouvres la porte, tu fais quoi? Je rejette un œil. En fait, je laisse la porte entrouverte et je jette d'abord un petit coup d'œil avant de rentrer, ne serait-ce que la tête. Donc tu entrouvres la porte. La porte. Mais la pièce est totalement sombre. Tu ne vois rien. Oh, super. Bon, alors du coup, j'ouvre tout doucement et jusqu'à ce que je cherche s'il y a moyen d'allumer la lumière. Aïe, aïe, aïe. Je me rapproche de toi. Très bien, tu remarques l'interrupteur, mais tu vois qu'il ne fait rien. Ça fait une belle lurette qu'il n'y a plus d'électricité. Donc, pièce est toujours sombre. Vous entendez toujours les cliquetis. Tu ne vois rien. Ok, donc j'ai rien sur moi pour faire de la lumière. Pas d'allumettes, rien. Non. Gary, vous avez quelque chose pour faire de la lumière ? Je ne crois pas. Mais... Ah. Je vais vérifier, mais je ne crois pas. Je Après, pense que... je peux... je peux vous donner ceci, car je pense que... Vous saviez, Harry et Serena, que vous alliez aller dans un endroit délabré, donc je peux considérer que vous avez une lampe torche. Ok. Bon. Bah oui. Ouais, bah oui, ouais, ça peut pas. Gary, Adelaide et Noah, peut-être pas parce que eux, c'était juste une visite pour voir l'endroit, mais vous en avez au moins une. Dernière question d'ailleurs à propos d'objets. On a. Mince. On a un appareil photo ou pas ? Non. Non, ok, c'était juste pour savoir. Bon, bah, du coup, je ma lampe. Oui, je te passe la lampe, Harry, vu que tu es devant. Ok. Je te couvre un peu derrière parce que j'ai peur que l'autre porte s'ouvre. Ouf, allez. Donc, j'allume et je regarde la. Très bien. À droite, à gauche, de haut en bas. Enfin. Tu allumes et tu remarques que tu vois deux squelettes. Encore debout. À côté du lit, qui s'avance vers vous, de plus en plus vite. On referme la porte, bien. Vous refermez la porte, vous ressortez de la salle, vous ressortez peut-être du petit salon. Ouais, oui, aussi, ouais, bah, s'il n'y a rien d'intéressant. Bon, on va aller prévenir Vous êtes de retour au couloir et vous allez retourner voir les autres. Ouais, pour leur averter déjà de ce qu'on a, de notre découverte. Et, voir aussi pour faire un point avec eux de ce qu'ils ont vu, quoi. Il y a l'ordre que cet endroit est hanté par le démon, éventuellement. Voilà, moi aussi. Donc, Noah, Adelaide et Serena, vous voyez Gary et Harry redescendre les escaliers. Tremblant, j'imagine. Pas tremblant, donc je vous invite à décrire comment vous êtes, comment vous sentez, et dire ce que vous avez à dire. Alors, pour ma part, je suis un peu choquée, je suis pas à l'aise, là. Peut-être prendre un peu l'air. Je pense que je ne sais même plus ce que je ressens. Je ne sais pas si c'est quelque chose particulièrement inattendu. Je n'ai jamais vu. Donc, Quand je vois mon père arriver aussi blanc que ça, je vais vers lui et... Père, que vous arrive-t-il ? Je ne saurais pas le décrire. En haut, il y a 5 abominations au moins. Plusieurs d'entre elles... Je pense qu'ils voulaient nous attaquer, je ne sais pas. Vous avez rien vu d'anormal de votre côté ? Non. Comment Non ? Non. Rien du tout. Eh bien, mis à part une perte de contrôle et un élèvement de voix de Monsieur Douglas, pour lequel il sera repris, non. Monsieur l'avocat, j'espère que vous avez de bons sous, de bons moyens. Je n'ai pas besoin de moyens quand j'ai des témoins à preuve de votre agression sur ma personne. C'est-à-dire, vous avez une agression ? J'ai des contacts dans votre milieu et il me semble que... Ah oui, ça y est, votre nom me revient. Ne serait-ce pas vous qui, à l'époque, était un très bon avocat, mais vous avez raccroché pour des sombres affaires ? Serait-ce des menaces ? Oh, contrairement à ce que vous m'avez dit, à mon avis, ce ne sont que des mots, hein ? Monsieur l'avocat, s'il vous plaît, nous sommes ici pour l'enquête. Il y a des abominations à l'étage, sans nom. Des abominations. Quel genre d'abomination squatte mon lieu ? Vous ne nous croiriez pas si on vous le disait comme ça. Il vaudrait mieux que vous alliez voir de vous-même, parce que... Non, surtout, faut pas rouvrir la porte. Oui, ne rouvrez pas la porte. Non, faut pas la rouvrir. Qu'est-ce que vous avez vu là-haut ? Comment vous dire ça avec précision ? Nous avons croisé pas moins de 4 squelettes vivants. Je cherchais un mécanisme, des sortes de ficelles pour déceler une quelconque arnaque, je n'ai rien trouvé. On dirait qu'ils bougeaient d'eux-mêmes. Vivants, alors évidemment, ils s'approchaient vers nous. On ne sait pas ce qu'ils nous auraient fait de toute façon. Mais j'ai réussi à arracher un bout de tissu. Tenez d'ailleurs, regardez donc, je le tends. C'est une belle performance d'ailleurs. Ok. Je vais regarder le bout de tissu du coup. Aussi. Oui, j'ai rien réussi à inspecter de particulier, mais si vous pouviez mieux voir que moi. Ok. Du coup, je regarde le bout de tissu. Qui était sur un squelette, d'ailleurs. Hein. J'ai réussi à lui arracher. Qui regarde le bout de tissu ? Moi. Ok, donc fais-moi un jet de perception. Et je crois que Noah voulait aussi le faire. Oui, il me semble, ouais, c'est Noah. Moi, je ne touche même plus cette abomination. Pas de sang. 12, très bien. Donc tu... Oh. Et Noah, je crois non, que... Non, ça passe pas. Ouais, non, ça, ça passe pas. Très bien. Donc Serena, tu te rends compte que ce bout de tissu est... appartenait sans doute à un vêtement assez riche. Tu crois discerner des anciennes reliures d'or, mais à part ça, tu ne sais pas grand-chose. Tu sais juste que ça devait appartenir à un vêtement assez riche. Je vois. Monsieur, comment il s'appelle déjà le propriétaire ? Douglas, monsieur Douglas. Ça ne vous rappelle rien, ce bout de tissu ? Non, et puis certaines affaires de ce manoir sont encore restées à l'état qu'ils étaient à l'époque. Je pensais juste que nous allions raser tout ça et envoyer tout ça à la benne. Vous n'aviez jamais vu ça dans votre manoir ? Vous n'avez jamais poussé la porte de votre manoir ? Bah, à part les 2-3 salles du bas, non. Après, c'était peut-être mes hommes de main qui sont peut-être allés en haut. Je n'ai pas forcément les détails, parce que, enfin... De toute manière, s'ils auraient vu une chose pareille, je pense qu'ils me l'auraient dit. À moins qu'ils soient trop choqués ou qu'ils aient oublié. Non, je pense pas. Mes gars sont fidèles, ils ne me feront jamais ça. À moins qu'il n'y avait pas encore ça au moment où ils sont passés. Attends, Serena, oui. Je disais, à moins que tout ça ne soit pas là au moment où ils sont passés. Peut-être, je ne sais pas. Je sais même pas de quoi vous parlez. Cela fait bien des choses que vous ignorez. Bon, enfin, je vous déconseille. Nous avons placé une armoire dans une des portes. Je vous déconseille d'ouvrir cette. Ne serait-il pas une meilleure idée de partir ? On a une enquête à terminer. Voilà. Et le manoir est grand. On a vu ne serait-ce même pas qu'un quart de ce qu'il peut cacher. Ouais. Commençons par les chaussures. On verra pour l'étage ensuite. Vous allez tous me faire un jet de perception. Y a que Gary qui a réussi. Moi aussi, ou pas moi. Ouais, mais c'est vieux. Ah oui, oui, c'est vieux. Donc, Gary, pendant que vous étiez en train de discuter de tout ça, tu crois voir... alors, vous étiez monté par les escaliers, là vous êtes dans une sorte de salle assez ronde, et de l'autre côté des escaliers, donc de l'autre côté de la porte principale, là où il y a un autre couloir, un autre long couloir, opposé à celui du haut, vraiment les deux sont... l'un en haut et l'un juste en bas, il y a deux couloirs superposés, on va dire. Ouais. Tu crois voir passer derrière chaque escalier, genre de droite à gauche, à une allure assez vite, une sorte de petit animal noir sur deux pattes. Tu ne vois pas vraiment bien ce que c'est parce que ça va très vite et tu es concentré sur la conversation. Mais en tout cas, tu crois voir un petit animal noir avec deux pattes qui passe très vite pour aller à droite. Et tu entends aussi quand il passe à droite. C'est tout. Une poule peut-être, non ? Peut-être, tu n'as pas réussi à voir distinctement, mais... Du coup... Je précise que l'accusation n'est pas un crime. L'acte de violence, si. Voilà. Bon, ceux qui n'ont rien d'autre sur la question. Vous vivez dans un monde de bisounours, Davis. Du coup, je disais, non seulement dans un pays avec des lois, monsieur. Oh, ça recommence. Ce pays, ça fait beaucoup de temps qu'il n'a plus vraiment de lois depuis la guerre. Oh, si, je vous jure que si. Non, la seule loi qui règne ici, c'est celle de l'argent, croyez-moi. Je prends note. J'ai un carnet sur moi. Et oui, Serena, et si nous allions enquêter ? Du coup, je prends en note. Après tout, on est là pour ça, non ? Ouais. Ça me ferait du bien de quitter ces deux olibrius. Allons, mon frère. Donc, je vous rappelle que vous êtes donc entre les escaliers, dans un espace assez circulaire. Derrière vous, il y a donc le grand hall avec la porte d'entrée, et devant vous, il y a encore un espace avec un long couloir qui va de droite à gauche, ainsi qu'une porte, porte à double battant devant vous. Oui, il y a des portes. Une question, en tant qu'agent du DMO, est-ce qu'on est au courant de tout ce tatouage surnaturel ou pas ? Vous n'avez été mis au courant de tout, sauf... Enfin, vous êtes au courant de tout, et si s'il y a des choses naturelles, okay. Vous ne le savez pas encore. Ok. Très bien. Du coup, bah, on va se diriger en direction de la porte. Okay. La porte qui est en face. Ouais. Moi, je garde mon flingue à la main, par contre. Est-ce que vous y allez tous? Moi, j'y vais. J'y vais. Gary, Adélaïde, Noah. Non, je reste en arrière. Okay. Je préfère pas y aller. Salle. Ok, Adélaïde reste en arrière. Je vais rester avec l'avocat. Gary, tu restes avec ta fille? Non, moi, je vais. Ok. Gary, Harry et Serena, Juste avant de partir, je vais chuchoter Adélaïde. Faites en sorte qu'il s'entre du pas, s'il vous plaît. Mais... Martoune, peut-être... Bon, Harry, allons-y. Allons-y. Très bien. Je lui dis à Douglas... peut-être devriez-vous venir pour constater de vous-même quelques événements. Ouais, vous avez raison, j'arrive. Et puis en plus, je n'ai pas envie de rester traîné avec cet avocat. Vous êtes sûr que vous préférez les squelettes ? Ça fera au moins un peu d'action si ça existe vraiment, même si sans doute. Vous savez certainement que je suis un grand homme. Vous voyez même que Douglas s'avance même devant vous pour ouvrir la porte. Ah bah je l'espère. Ah bah attends. Vous voyez qu'il ouvre la porte qui est juste en face. Vous trois, Harry, Serena et Gary, vous remarquez quand même que à votre gauche, le couloir de gauche est un petit peu inondé. Ah. Oh. Vous voyez de l'eau qui coule. C'est tout. Pendant que Douglas est en train d'ouvrir la porte d'un grand salon, en fait. Il s'agit d'un grand salon qui est dans un état pitoyable. Les canapés sont en lambeaux, certains sont même à l'envers. La table a été limite mise de côté pour servir ce genre de... Vous voyez dans les films de guerre comment ils mettent les tables pour faire une barricade? Pareil. Ouais. Vous voyez des tableaux qui sont tombés, des déchirés, des plantes par terre en lambeaux, les vitres toutes pétées, éclatées. Je crois que c'est la pire pièce dans laquelle vous êtes encore jamais allé dans ce manoir. Ça n'a rien à voir. Les autres étaient plutôt bien rangés, bien propres, mais celle-ci n'a rien à voir avec celle-là. Les autres, à la limite, étaient même sales, déchirées. Enfin, vous voyez que la... Que le temps avait fait son œuvre, mais là c'est un peu plus que le temps, vous voyez. Il s'est passé quelque chose à ce jeu. Il faudrait regarder s'il y a des traces de griffes ou quelque chose comme ça. Oui, des traces de, de mon côté, je vais ressortir dehors sans rien dire. De griffes, de sang. Alors, du coup, je vais ailleurs. Noah, si tu veux ressortir dehors, de par la configuration du manoir. Tu peux apercevoir que dans le couloir de droite, quand tu es face à la pièce dans laquelle ils vont, couloir de gauche, pardon, tu aperçois une autre bifurcation où tu penses apercevoir la lumière de l'extérieur. Bah, je ressors par là où je suis rentré, tout simplement. Tu ressors par l'entrée principale? Oui. Très bien. Oui. Donc, tu refais le tour, oui, ok. Oui. Et oui. Je t'invite donc à aller dans la taverne et je t'appellerai. Pas de soucis. Du coup, Adélaïde ne me suit pas parce qu'elle... Excuse-moi, je reviens. Adélaïde ne me suit pas parce qu'elle était restée dans la salle principale. Adélaïde, est-ce que tu suis de Noah ou... Ou tu restes... J'aurais mis ma main à mon menton et puis après, je serais sorti. C'était tout. Tu veux sortir du manoir? Oui, par rapport d'entrée. Je vais sortir aussi. Très bien. Donc vous sortez tous les deux. Donc il reste plus que vous trois et Douglas, donc quatre, dans cette pièce. Que faites-vous? Moi, je veux bien inspecter si je trouve des traces de quoi que ce soit de griffes, de sang, ou n'importe quoi. Même voilà. Moi, je voudrais inspecter la table. Très bien, donc fais-moi des jets de perception. Ouf. l'œil du tigre. Waouh. Même nous, les détecteurs à côté, là, les détectives. Ouais. Ah mince, Serena n'a rien trouvé. Cependant, ça passe pas de deux. Gary, tu remarques avec tes yeux de lynx. Pas non plus, moi. Avec des yeux de lynx, que tu remarques. Mon Dieu, il a mis des lunettes. Que, en effet, sur les canapés, il y a des traces de griffes. Mais bizarrement, tu as sans doute déjà vu des chats ou des chiens. Ça n'a pas l'air d'être des griffes de chats et des chiens, car l'épaisseur des tissus est beaucoup trop grand. Elles font quelle taille à peu près? Bah, si une griffure de chat sur un coussin, ça fait limite le tissu reste en place et se déchire un petit peu. Là, c'est carrément 5, voire peut-être 10 cm. D'accord, ouais, quand même. Ça dépend après, ça dépend des canapés, mais oui. Tu ne vois pas spécialement de traces de sang, à part peut-être des tout petits trucs, mais tu saurais pas dire si c'est du sang ou juste des traces rouges ou quoi. Parce que c'est vraiment des points, mais par-ci, par-là. Ok. Ben, du coup, j'appelle les autres. Je suis un peu étonné, au revoir. Alors, donc... Noah, Adélaïde, vous avez fait le tour de la du manoir et vous êtes donc... On est juste ressorti pour l'instant. Ah, vous êtes juste ressorti. Du coup, je vais marmonner pour moi-même. Et je vais lui dire... Je ne sais pas s'il est lié à tout ceci, mais en tout cas, il ne semble pas très très franc du collier. Et au vu des maigres espoirs que je place en cette équipe d'instigateurs, je pense que je vais me remettre à mon boulot d'enquêteur. Du coup, je vais tourner la tête vers Adélaïde et je vais lui demander... malgré que je n'y sois pas directement lié, je suis désolé d'avoir vous avoir imposé cette scène. Cependant... je le tiens pour responsable, étant donné qu'il est le seul à... Il dit des choses et en affirme d'autres après. Je n'ai aucune confiance en lui. Et je pense qu'il y a bien moyen pour qu'il soit... Il soit pour quelque chose. Qu'il semble trouver que les squelettes soient... marrants. C'est... très étrange. Je n'ai pas très envie d'être à nouveau avec lui. En tant que gentleman, je ne devrais pas l'accuser d'être un mafieux avant d'en avoir le cœur net. Cependant, je ne prends pas grand risque. Je referme la porte derrière nous. Tu refermes la porte ? Oui, je referme la porte. Très bien. Doucement. Ok. Puis, je me dirige vers les voitures. D'un pas normal. Ok. Classique. Adélaïde, tu le suis ? Je préfère le suivre. Okay. 1920, après la guerre, j'imagine qu'il y a des permis pour porter des armes. J'en possède un. Oui. Très bien. Les armes de guerre sont interdites. Alors, fusil automatique, normalement. Techniquement, c'est interdit, mais étant donné que la guerre, ça fait pas longtemps qu'elle a eu lieu, quelques années. 18, ouais. Tu peux en douter qu'il y en a encore pas mal en circulation. D'accord. Cependant, je peux dresser un procès pour détention d'armes illégales. Logiquement, oui. Après, tu sais pas si ça va aboutir. Hein. T'inquiète. Je suis un expert. Du coup, ça va forcément aboutir. On verra. Bah, après tout, j'ai aucune stat, sauf en Intel. Donc, il y a bien un moment où ça paye. Alors, du coup, je vais approcher de la voiture. Et je vais d'abord lorgner sur la voiture du... Sauf si Adélaïde prend la parole entre deux. Je vais approcher de la voiture et je vais lorgner d'abord sur l'intérieur de la voiture de l'actuel propriétaire. Oui, de Douglas. Okay. Fais-moi sur l'intérieur, voir perception. Oh putain, non, pas sur une perception. Je vais interrompre. Monsieur David, que faites-vous ? Enfin, Monsieur Davis. Davis. Davis. Alors, du mal avec les vrais noms. Pas de soucis. Monsieur Davis, que faites-vous ? Pour l'instant, j'observe. Rien de plus. Sérieux. Ok. Tu ne... Regarde... J'aurais bien voulu modeler mes stats. J'aurais mis full percep, full intel. Bah évidemment. Non, full stress, full intel. Non, full stress, full percep. Oh, ouais. Alors, la nuit est sombre et les fenêtres de la... Enfin, les vitres de la voiture sont relevées. Teintées. Et du coup, ouais, effectivement, elles sont teintées et tu ne vois absolument que dalle. D'accord. Je vois. C'est un modèle avec coffre arrière, j'imagine. Oui, il y a un coffre. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Sœur, on a le droit d'ouvrir le coffre d'une voiture d'un autre. Cependant, si je trouve une arme... Putain. Attends, est-ce qu'il y a moyen que je sois témoin? Après, il avait son fusil sur l'épaule. Hein. C'est... Oui, mais si je trouve un macabé ou un truc dans son coffre, le coffre pour 25 ans. Bien évidemment. Bien évidemment. Après, est-ce qu'il viendrait sur le lieu pour signer des affaires avec ce genre de choses? Est-ce qu'il avait... Attends, question. Est-ce qu'il avait, du coup, une pochette, une valise, quelque chose? Il a dit qu'il était venu pour signer des documents. Sauf que, du coup, on l'a vu avec un fusil. Oui, parce que vous pas l'avez... pas très normal. Non, parce que vous lui avez posé des questions sur le fusil, du coup, il vous l'a montré et il l'a gardé sans réfléchir. Il l'a montré, mais il l'avait sur lui, non? Non, de base, elle était dans sa voiture. D'accord, donc c'était dans sa voiture. Ouais. D'accord, très bien. Il l'a sorti de où, exactement? Du coffre? Du siège passager. Du siège passager. Après, ouais, tu peux pas savoir exactement où c'est, mais par là. Ok, très bien. Non, mais je vais pas ouvrir la porte pour vérifier. Je vais... D'accord, je suppose juste. Mais du coup, est-ce qu'il avait une valise, tu sais, un petit portefeuille, un petit board document? S'il en avait une, tu ne le sais pas, parce qu'il a pas eu le temps de la sortir, ou alors il en avait pas. Du coup, je regarde sur le siège, voir si je vois... Les vitres sont teintées, donc... Ouais, c'est vrai, les vitres sont teintées. Je n'ai pas de téléphone et j'ai pas de lampe. Nice. Mais je suis vraiment à... Pourquoi est-ce qu'on a fait ça de nuit? Bon. T'es l'enquêteur du désespoir. Non, mais je suis pas un enquêteur. Le problème, c'est que je suis pas un enquêteur. Les enquêteurs que j'ai appelés, bah, il y a une fille qu'on est censé considérer à l'époque comme une hérétique. Parce qu'elle parle n'importe comment. Et que je suis censé lui prescrire d'aller voir un médecin. Elle part en pantalon surtout. Oui, aussi. Ouais, mais ça, avec la guerre, il y en a qui sont allés au champ, donc on peut dire qu'elle a gardé de mauvaises habitudes. Ouais. C'est tout. Mauvaises habitudes, rien de plus. Cependant. Non, on va dire que je suis progressiste, le pantalon, je l'accepte. Mais le fait qu'elle parle un peu n'importe comment et qu'elle dirige un homme, ça, c'est pas normal. Voilà. Avancer un petit peu, tu ne fais plus rien sur la voiture? Il a pas sorti les documents. Il a fermé sa voiture? On peut fermer les voitures ou pas? Ouais, mais oui, si tu testes pour ouvrir, tu vois qu'elle est fermée. Non, je teste pas. Non, j'ai pas testé. Non. L'alarme, mais il y a pas d'alarme. Non, il y a pas d'alarme. Je vais réfléchir. Et c'est tout. Pour l'instant, je réfléchis. Mais du coup, vu qu'il y a des macabres à l'intérieur, je vais laisser les deux gugus qui vont certainement rien donner. De toute manière, là, je me morfonds dans le désespoir parce que... Bah, ils me semblent pas compétents, en fait, les enquêteurs. Actuellement. Fais-moi un jet de... Ouais, de perception, ouais. Et du coup, je vais juste réfléchir et regarder aux alentours. Justement, tu fais un jet de perception pendant que t'es en train de réfléchir et de regarder aux alentours. Oh! Parfait. C'est critical hit. Super effective. Tu es en train de regarder un petit peu le ciel, tu regardes un petit peu partout, le manoir et tout ça. Et tu crois... Dis-moi qu'il y a un gros alibi pour l'enfermer. Tu crois remarquer dans l'une des fenêtres à l'étage, à peu près au centre, c'est une sorte de tu sais, les fenêtres qui sont mises de bout à bout, un peu comme dans les entreprises. Ouais. Bah c'est un peu dans ce style-là, c'est dans une sorte de couloir. Tu vois une espèce de petite ombre qui court un peu vite, de gauche à droite. Gauche vers la droite, ok. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, mais en tout cas, il y avait quelqu'un à l'étage. C'est tout ce que tu vois. Tu vois une ombre. D'accord. Mais du coup, j'aurais dit ça. Et pourtant, ils ne sont pas allés à l'étage. Il y aurait quelqu'un en plus de nous. Eh bien, je ne crois pas nécessairement aux choses surnaturelles, mais j'ai déjà eu quelques affaires assez compliquées. En somme, disons que je me bats pas sur le même terrain que ces enquêteurs. Mais s'il y a en effet des squelettes mouvants à l'étage, bien, je vais bien leur apporter du crédit. Même si officiellement, je n'irai avoir reconnaissance de ces faits. Je dirais ça en souriant. Très bien. Du coup, qu'est-ce que vous faites de concret ? Cependant, en tant que... en tant que... comme censé, je ne vais pas m'amuser à m'aventurer là-dedans. J'ai engagé ces hommes, libre à eux de mener leur enquête. Personnellement, je suis quasi sûr que ma fille n'est pas venue dans le coin. Elle serait sortie de passer par le parc. Et il y a des hommes sans le toit qui vivent, qui semblent vivre depuis certains moments. Attends, je finis juste un peu. Qui semblent vivre depuis un certain moment dans le jardin juste derrière. Et cela fait quelques jours. Ils y vivent jour et nuit et ils ne semblent avoir vu personne depuis un bon moment. Très bien. Maintenant, je vais rajouter un truc avec ta réussite critique, ton 3. Mm-hmm. Donc, tu as vu cette ombre. Et tu as également vu, en fait, sur la droite du bâtiment, il y a quelques lignes qui ont été tirées avec la cheminée et tout, pour étendre le linge. Et oui, tu crois reconnaître une robe attachée, marron, peut-être une robe d'enfant. Diantre. Et du coup, je vais me mettre à courir. genre direct, sans transition. Sans transition, je me mets à courir. Tu cours et tu re-rentres dans l'eau. Non, c'est pas dans l'eau. Attends. Non, t'as dit que c'était à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Alors, qu'on est dans le linge. C'est à l'extérieur sur le toit en fait. C'est au deuxième étage. À l'extérieur sur le toit, il y a des. Hein oui, hein en fait, là où je t'ai dit qu'il y avait le couloir avec les baies vitrées, là où tu as vu l'ombre passer. Dans la même direction, si tu tournes la tête, tu vois là, il y a une cheminée qui sort. Ouais. Du toit qui en fait, c'est le seul toit qui est au premier étage du bâtiment. Ouais. Et entre la cheminée et la gauche du bâtiment où tu as vu l'ombre pas arriver, il y a des cordes à linge qui ont été tirées. Donc, d'une pièce à la cheminée, il y a des cordes qui ont été tirées. Justement, c'est en hauteur en fait. Donc c'est au niveau du deuxième étage. Ok. Ok. Donc deuxième étage, très bien. Donc du coup quand même, mais dans le bâtiment. De quoi ? Non, attends, du coup je modifie ce que je vais faire. Du coup je vais quand même crier diantre. Et du coup je me dis qu'il faut du monde au deuxième étage. Oui. Problème c'est que le deuxième étage semble hanté. Oui. J'ai un 6 coups, me direz-vous. C'est vrai. Et j'ai compétence de corps, ça compte pour le tir ? Pour le tir, tu feras vous tirez votre jet de stress. Si votre jet de stress passe, et même s'il ne passe pas, il y aura juste un malus, mais c'est tout. Vous ferez vos jets de dégâts. Il n'y a pas réellement de jet pour tir. D'accord. Mais il y a un jet de stress avant pour savoir s'il y a un malus ou pas. Et après, vous ferez un des 10 pour toi, par exemple, de dégâts. Et après, si tu veux recharger ton arme, du coup, là, tu as 60%. Donc indécent sur 60. Mmh. Du coup c'est pas grave, oui, je me mets à marcher en direction de l'intérieur. Et je vais me retourner chez toi sur le pas de l'entrée, je vais lui dire désolé, cependant je pense avoir une pièce à conviction maîtresse dans cette affaire. Je pense que monsieur Russell, si c'est bien cela, ne passera pas Noël devant une cheminée. Et du coup vous allez vraiment rentrer à nouveau dans cette maison? Et vous allez aussi me laisser seul ici ? Oh, désolé. Cependant, bien, si vous ne vous sentez pas à l'aise à l'extérieur, je puis vous laisser rentrer dans ma voiture avec mes clés. Je vous fais entièrement confiance, contrairement aux autres. Si vous souhaitez à m'accompagner, eh bien, sachez que j'ai un passé d'enquêteur et que je ne me sépare jamais, moi aussi, de quelques accessoires. Et là, du coup, je sors mon pistolet, mon revolver. Je n'ai pas vraiment envie d'être seule, même si c'est dans une voiture. Je vais préférer vous suivre. Mais très bien. Je ne peux pas vous assurer que je reste calme au premier cadavre vu. Dans ce cas, je passerai en tête. Je vous en prie. Et du coup, je me mettrai à marcher en direction du second étage, vérifiant bien que personne ne me suive en direction du rez-de-chaussée. Tu vois, je ne veux absolument pas voir la tête de Douglas ou autre chose dans le coin. Je vais passer à l'étage en catimini. Genre sur la pointe des pieds, vraiment sans faire de bruit, en marchant mais calmement, mais enfin un peu plus pressé qu'à l'habitude. Très bien. Tu vois, bah... c'est pressé, mais j'essaie de faire le moins de bruit possible. Je vais pas te faire faire de suivre limitant, même si je comprends pas pourquoi il fait ça. Je vais pas vous faire de test pour ça parce qu'ils sont déjà bien occupés dans la bah, dans la salle qui est tout droit quand vous rentrez en fait. On va entendre des coups de feu, des meurs saloperies. Non, pour l'instant c'est non, vous. Non. Vous les voyez juste qu'ils sont affairés dans la dans la salle du tout au fond, juste avant le couloir. Et alors, au moment où tu arrives aux escaliers, que tu prennes celui de droite ou celui de gauche, ça ne change rien parce qu'ils mènent tous les deux à l'étage. Je vais quand même te le dire parce que je ne sais pas si tu as eu l'info, mais juste derrière les escaliers, tu vois dans le couloir à gauche. Que tu vois un petit peu de l'eau par terre, tu remarques assez aisément qu'il est un petit peu inondé. Au premier étage ou au second au rez-de-chaussée? Au rez-de-chaussée. À gauche. Qu'est-ce qui est... Derrière l'escalier de gauche, ouais. Il y a le couloir de gauche est un petit peu inondé. D'accord. Bien, il y a tellement de choses que je vais commencer par avoir la preuve que c'est la robe de ma fille. Et ensuite, je reviendrai. On va procéder par étapes parce que je ne veux surtout pas que ce petit Douglas s'échappe en faisant disparaître les traces. Du coup, je vais récupérer cette robe et une fois que j'aurai ça, bah, alors là, il est casé. Là, c'est terminé. Dans ma tête, il est terminé. et donc, du coup, de toute manière, c'est lui qui est propriétaire du lieu, donc c'est lui qui est censé être maître d'hôte. Donc, bref, il n'y a aucune raison pour qu'il s'en tire. J'ai tout ce qu'il faut. Ok. Je vais donc monter directement au deuxième. Enfin, doucement. Si c'est le même escalier, je vais monter directement au deuxième pour pas m'arrêter au premier. Oui, bah. Et c'est... je vais. En fait, il y a le rez-de-chaussée et le premier étage. Et là où t'as vu la robe, c'est le premier étage en fait. Ah, c'est le premier étage. Bon, bah, très bien. Et bah, du coup, je vais monter au seul étage. Et. Après, c'est les combles quoi. D'accord. Et en sortant du couloir, enfin, de la cage d'escalier. Je vais regarder à droite et à gauche avant de traverser et me diriger directement vers la direction où je pense qu'il y ait les tentes à linge. Alors, au moment où tu arrives, donc tu montes les escaliers, tu vois un très long couloir. Mm-hmm. Selon ce que tu as entendu de Harry et de Gary, eux, ils sont allés à droite et ils ont fouillé la droite. D'accord, mais du coup, toi, la droite, c'est pas là où je veux aller, moi. Non, n'est-ce toi, pas tu... Toi, ça serait plutôt à gauche, mais quand tu vois comment les pièces sont organisées, enfin, tu vois qu'il y a genre trois pièces, mm-hmm. Tu te demandes, enfin, tu te doutes que c'est des chambres, il y a des petites, des petites plaquettes avec les noms qui ont été effacés. Oui. Tu te doutes donc que c'est des chambres, et tu te dis que des chambres là où on lave le linge, ça ne me gênerait pas, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et du coup, je vais... Vas-y. Du coup, je vais ouvrir la porte sur la gauche. Est-ce que c'est pistolet vers le bas. Pistolet vers le bas. Est-ce que tu ouvres la première porte du couloir de gauche? Non, j'ouvre seulement celle qui m'intéresse. Et bah, c'est la première porte du couloir de gauche. Ah, et bah, du coup, j'ouvre la première porte du couloir de gauche. Voilà. Il suffit de savoir quand. Tu l'ouvres tout doucement. Ouais. Et tu vas me faire directement un jet de perception. Mmh. Bah, stat la plus basse, parfait. 51, ça ne passe pas. Donc du coup, je vais tout déduire sans les informations, c'est bien. Très bien. Et ben justement, tu ne vois rien. Pourquoi? Car à peine tu as ouvert la porte, tu vois une sorte de fumée noire qui s'y dégage. Mais du coup, de l'extérieur, il n'y a pas de fumée noire. Non, justement, à peine quand tu as ouvert la porte. Tu as à peine ouvert la porte que... Il y a de la fumée noire qui se dégage de l'ouverture de la porte, en fait. Vu que je recule, le suis, je vois la fumée noire. Je recule oui, toi aussi, tu en ouvrant la porte. Ok. Ça sent la chaleur ou pas? Ça sent pas la chaleur. Au contraire. Okay. Ça sent le froid et ça pue. Je vais me reculer. Vous sentez limite une sorte de... Vraiment de puanteur, ouais, de pourri. Quelque chose qui a pourri. Ouais, ça pue. Ouais, ok, s'il y a du cadavre là-dedans, c'est parfait. Du coup, je vais prendre... Attends, je regarde ma fiche 5 secondes. Je vais prendre un mouchoir ou un petit quelque chose et je vais dire à la demoiselle derrière moi. Je pense que ce que l'on trouvera à l'intérieur n'est pas très reluisant. Si vous souhaitez rester à l'extérieur, je comprends ça totalement. Et du coup, je vais ouvrir en grand la porte, me mettre devant la porte et voir s'il y a autre chose que cette fumée. Parce que du coup, cette fumée qui a quand même du feu, donc, je vais quand même faire attention. Tu ouvres en grand la porte et la fumée noire s'échappe un petit peu. Tu vois des... C'est des... de la fumée noire qui s'échappe vers le haut ou vers le bas? C'est de la fumée noire au sol ou... Aucun, en fait, elle englobe le bas et le haut et elle se dirige un peu vers toi. Tu ressens comme une énergie très négative. Tu te sens... Tu ressens toutes les émotions que tu as eues, les pires émotions que tu as eues. Tu les sens qui ressortent un petit peu. Je ne vois pas au travers. Juste avant que tu écrives, je ne vois pas au travers. Tu ne vois rien de travers. La brume est épaisse. Et plus tu vois la fenêtre venir vers toi, plus l'odeur te paraît insupportable. Du coup, de mon pied, je vais donner un violent coup dans la porte. Très bien. Pour la fermer. Tu refermes la porte. Veuillez m'excuser. Bien. Du coup, il y a quand même des fenêtres qui mènent à cette chambre ou pas? Des fenêtres qui mènent à... bah oui, mais enfin, c'est du côté rue, quoi. Oui, mais du coup, s'il y a des... Il n'y a pas de comment ça s'appelle ? De baldaquin, de... Comment dire ? Tu vois, de petits... terrasse à baldaquin, de terrasse, ce genre de choses. Tu peut-être... Justement, de... Là où vous étiez aux voitures, là où je t'ai dit que c'était une sorte de petit couloir, c'est un petit couloir skate qui est en avant par rapport au manoir. Mais c'est vraiment tout devant. Et à la limite, tu peux te dire que si tu continues le couloir et tu vas à la dernière porte... Peut-être. Vu de l'extérieur, est-ce qu'il y a une terrasse? Là où il y a les voitures, en face. Oui. Il n'y a pas de terrasse, mais il y a le. Bah du coup, ok, du coup ça me sert à rien. Il y en a ailleurs des terrasses ou pas? Non, au même endroit. Tu te rappelles avoir vu une petite terrasse au-dessus du. Pareil, quand tu es face au manoir, à gauche. Il y a un jardin dans la propriété du manoir et au-dessus sur le mur il y a une terrasse. Mais du coup c'est de gauche quand je suis dehors, c'est-à-dire que c'est du côté opposé où je veux aller. Oui. Ok. Donc, du coup ça m'aide pas du tout. Ça t'aide pas du tout. Ok. Très bien. Donc du coup il y a une fumée qui me paraît fort désagréable. Peut-être des produits hallucinogènes ou ce genre de choses. Qui sait ce qui s'est passé là-dedans? Tu vois qu'il y a une deuxième porte qui est sur le même mur et une seule porte qui est sur le mur opposé. Il y a une deuxième porte sur le même mur. Ah bah du coup, oui. Ah bah du coup, s'il y a une deuxième porte. Mais attends, wait. Mais c'est... Non, ça mène pas à la même pièce. Ça mène pas à la même pièce. Ah oui, ça mène pas à la même pièce, ok. C'est forcément une pièce. Bah du coup, je vais quand même me diriger parce que peut-être qu'il y a une seconde porte dans la première porte, enfin dans la seconde porte qui me permettrait d'avoir un meilleur angle de vue, de voir ce qui se passe, ce genre de choses. Donc tu vas vraiment... Tu veux pas plutôt sortir, prévenir la police avec ce qu'on vient de voir? Comme l'a dit Douglas, il a de nombreux contacts. Et nos témoignages ne vaudront pas grand-chose, je pense. Surtout que la police a l'air assez fainéante dans le coin. Je vais juste ouvrir cette porte, voir s'il n'y a pas grand-chose à tirer. Mais ne vous en faites pas. Je vous promets, suite à cela, nous sortirons. Donc Noah, tu te diriges tout au bout du couloir. Ah, donc loin. Déjà, tu vois coup, qu'il là, y a... Je regrette. Vraiment, tout au bout du couloir, il y a une fenêtre. Tu peux voir, t'as une superbe vue sur le parc de gauche. Tu vois qu'il y a pas grand chose. Tu ouvres la porte qui t'intéresse donc. Et tu rentres dans une pièce qui, ma foi, n'est pas éclairée à part avec les lumières de la lune d'une fenêtre. Mais ça a l'air d'être une sorte de petit salon. Vraiment avec des enfin, ce qui avait l'air d'être des coussins, des tapis à l'époque. Encore des fleurs qui sont par terre et une porte tout au fond. La porte tout au fond, elle mène à la pièce à droite ou elle mène à une pièce en face? Elle en face. Très bien, donc du coup ça ne m'intéresse pas. En face qui mènerait peut-être à une fenêtre. Non, parce que du coup... Ah, qui mènerait à une fenêtre qui est là où tu pourrais peut-être voir le linge. Non, parce que du coup, le linge, on l'a vu de dehors en face de la maison. Donc, du coup, j'ai fouillé les pièces qui étaient. L'escalier, lorsque tu sors, ça mène sur le côté face à la rue, on est d'accord, côté aux voitures. L'escalier quand tu sors L'escalier à l'intérieur de la maison, lorsque tu montes. Oui, lorsque tu montes. T'arrives au niveau. Normalement, t'as vu sur les voitures. Non. Car l'escalier est à l'opposé des voitures. Ah. En fait, tu as les voitures et tu vas vraiment toujours tout droit. D'accord, tu as la porte, tu vas tout droit, tu as les escaliers qui montent. Mm-hmm. Et ensuite, tu as le grand couloir et toi, tu es tout au bout, à gauche du couloir. D'accord. Ok. Très bien. Et donc là, logiquement, tu peux te dire que si tu continues sur la pièce où tu es, en face, tu peux tomber sur justement la rue où il y a les voitures et potentiellement le linge. Très bien. Cependant, j'ai fait une promesse. Dans la pièce, dans le salon, je vais rentrer et je vais juste chercher s'il y a un appareil photo avec des négatifs. Si oui, je vais le prendre. Sur la pièce où tu viens de rentrer ? Oui. Fais-moi un test de... Oh putain, pour chercher ça, il va falloir que je fasse un test de perception. Ok. Alors, faut que j'en fasse un ? Ouais. 32, ça passe. Très bien. Il n'y a absolument aucun appareil photo. Lol, trop bien. Je fouille dans les bâtiments. Tu fais un jet pour ne rien trouver. Ouais, ça c'est trop bien. C'est ça. Je fouille dans les tiroirs, ce genre de choses. Alors, il y a deux tiroirs qui se courent après. Il y a des chaussettes, il y a des vieilles chaussettes qui traînent, des vieux vêtements, des vieux draps. Bah, c'est un salon. Oui. Mais tu sais pas ce qu'il y a au fond. Oui. Bah du coup je vais... Ah, parmi les chaussettes... Ah, attends. Hein, c'est une repère de gangsters. Du coup les chaussettes je les déplace et je vais fouiller au fond. On voit s'il n'y a pas un pistolet, un truc caché, un truc... La seule chose que tu remarques c'est des clés. Et des clés. J'aime bien les clés. Ouais mais ça c'est du... Voilà. Et ouais à la limite des vieilles photos de famille. Ah, des vieilles photos de famille. Et bah du coup je les regarde. C'est les photos d'un ancien pro. Est-ce que je vois monsieur, je ne sais plus comment là. Non, tu ne vois pas Douglas, par contre tu vois des gens qui a l'air d'être de la grande bourgeoisie. Si je le vois sortir les clés, je peux moi prendre les clés. En lui demandant, oui. Du coup j'aurais reposé les clés dans le bac à chaussettes, enfin dans le tiroir. du coup, j'aurais juste regardé les photos. Voilà. C'est surtout des photos de famille où ils sont genre. Ils prennent la pose ensemble, tu ne reconnais aucun visage. Mm-hmm. Il y a des enfants, il y a des personnes, mais ils sont tous richement habillés. Mm-hmm. Malgré que la photo est en noir et blanc, tu reconnais que. Qu'ils sont bien habillés. D'accord. Je repose le tout, ce n'est pas à moi. Voilà. Par contre, je ferai une remarque si la demoiselle prend les clés. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux prendre les clés si jamais on veut explorer des salles qui sont potentiellement fermées à clé. Vous êtes donc dans la salle du fond, derrière les escaliers. Juste derrière le couloir de gauche où vous avez vu qu'il y avait un petit peu d'eau, à droite, vous avez senti une odeur pas très normale. Ouais. Vous êtes dans le grand salon. Ce qui semble être le grand salon, et tout était en détail. Est-ce que vous avez réfléchi à des choses que vous voudriez faire ? Non. Bah, on a fouillé un peu la pièce. C'est quand même vachement étrange, ces traces de griffes sur le canapé, mais... Ouais, quand même. Ouais, c'est... Mais ça reste tout à fait faisable, on va dire. Des traces de griffes grandes comment, à peu près ? Bah, 10 centimètres, je crois. Ouais. Bah un couteau, tu prends cinq couteaux et tchic. Oui voilà, quelqu'un avec plusieurs couteaux aurait très bien pu faire ça. Mais pour quel but ? Et l'avoir fait en plusieurs fois. Monsieur Douglas est toujours avec nous ? Oui, Douglas est toujours avec vous. Très bien. Je l'appelle, il vient de constater lui-même. Monsieur Douglas ? Monsieur Douglas, aviez-vous vu ces dégâts auparavant ? Cela ne m'a pas été référé, en tout cas. Mais au fait, monsieur Douglas, vous disiez connaître certaines pièces du bas, mais lesquelles connaissiez-vous ? Bah, je connais la cuisine, je pensais connaître le salon. Je connais aussi la chambre du valet, le sauna, les bains. Sauna, wow. Oui, il y a un sauna dans ce manoir. Et ouais, il y a aussi quelques chambres à gauche. Et est-ce que vous aviez au moment où vous parlez de ça, monsieur Douglas voit que vous galérez un petit peu en orientation, donc Douglas va être gentil avec vous et va faire un geste de bonté. Oh. Oh. Je savais qu'il était gentil. Alors du coup, là où vous avez vu, je vous replace un petit peu pour que vous ayez le contexte. Ouais, on est dans la salle du fond, on est dans la 6. Vous êtes dans la numéro 6, c'est ça. Et okay. Lorsque vous sortez de la numéro 6, à votre gauche, vous avez un couloir qui sent pas la rose, et à votre droite, vous avez un couloir un peu inondé. Je propose d'aller voir le couloir inondé. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Ouais. Alors allons-y. Il y a peut-être un robinet de mal fermé. Très bien, donc vous dirigez là-dessus. Vous allez aussi switcher. Non, vous allez juste demander à Noah et Adélaïde de venir. Donc du coup, tu disais, il nous faut les clés pour ouvrir les autres portes, c'est ça ? Si jamais on se retrouve face à une autre porte. C'est étrange, ces clés devraient appartenir à l'actuel propriétaire des lieux si elles ouvrent d'autres portes. Je les regarde avec plus d'attention. Est-ce que ce sont des portes pour ouvrir, enfin des clés pour ouvrir des portes, ou est-ce que ce sont des clés pour ouvrir, je sais pas, des petits, tu vois, des petits coffres, des coffrets, ce genre de choses, des armoires, tu vois, c'est pas les mêmes, c'est plus petit généralement. Alors, vous êtes pas serrurier, mais enfin c'est des clés quoi. Oui, non, mais tu vois, les petits. C'est une clé de porte. Oui, non, mais les petits coffres. Est-ce que c'est des clés pour petits coffrets, tu sais, les petites clés? Non, c'est des clés de taille normale à peu près. D'accord, ok, c'est des clés de taille normale, ok. Peut-être que le propriétaire actuel n'avait pas connaissance de ces clés, vu que le propriétaire d'avant est un peu disparu, non? A disparu, oui. Et surtout, vu l'intérêt qu'il porte à ce bâtiment. Enfin. Mais ne souhaitiez-vous pas partir? Mon père est dans le bâtiment, je ne vais pas partir sans lui. Et je ne préfère pas rester seule dehors. Vous préféreriez y être dehors. Oui. Je peux bien comprendre. Bien, soit. J'ai ouvert cette porte. Je vous ai promis qu'on redescendrait. Redescendons. Très bien. Donc vous redescendez. Sauf si elle rajoute quelque chose, je vais redescendre. Non, on redescend. Donc vous descendez. Je referme la porte derrière nous et je redescends. Vous refermez la porte, il n'y a pas de souci. Vous descendez les escaliers. Et vous voyez le reste de l'équipe qui sont donc qui sont sortis de la pièce dans laquelle ils étaient. Ils sont dans le couloir, devant le couloir submergé. Je vous invite à les appeler. Très bien. Par avance, lorsque je vais les avoir vus, je vais ranger mon arme. Très bien. Pour ne pas l'activer. Voilà. Donc là, vous êtes tous retrouvés. Noah et Adélaïde sont descendus les escaliers et vous ont rejoints. Oui. Ok. Vous les voyez descendre les escaliers. Ok. J'ai des clés en main. Alors qu'ils étaient sortis par... Vous les avez vus sortir par le hall et là, vous les voyez redescendre des escaliers. Vous êtes donc tous... Ouais, c'est ça que je comprends pas. Devant... Ok. Donc là, vous êtes dans le couloir un peu inondé. Le couloir est... Et plus vous avancez, plus vous pataugez dans l'eau. Et vos chaussures commencent à prendre l'eau. Pour ma part, je ne me serais pas avancé dans le couloir... Tu ne t'es pas avancé très bien. Adélaïde non je plus, je serais j'imagine. Resté au niveau des... Non, des non. Moi, je suis j'ai pas envie de marcher dans l'eau. Pareil, du coup, Gary, Harry et Serena, vous avancez dans l'eau? Oui, moi j'avance. Mais avec la torche que j'ai, j'éclaire l'eau. Au cas où. La torche? Pas la lampe. Ah, Harry, t'as passé ta torche? Oui. Ah. Enfin, ça... Du coup, je sais plus qui c'est qui l'avait au final. Je sais plus qui l'avait non plus, mais. En redescendant les escaliers et en voyant le bazar avec l'eau, sans m'en approcher, je vais simplement demander en dirigeant vers le hall pour ressortir comme j'avais promis. Votre père souhaite-t-il réellement acheter cette bâtisse? Apparemment, oui, mais. Je n'ai pas très envie qu'il l'achète au final. Je vous comprends. Bien que Gary, vous voulez toujours l'acheter? Tout dépend de... Ah, d'accord. Vous êtes côté. Père, soyez raisonnable. Cette bâtisse semble hantée. Nous avons vu une pièce avec une fumée noire en sortir. Oh là. De manière plus rationnelle, disons que si tout ceci relève du commun des mortels, eh bien il y a eu de drôles d'activités très peu recommandables dans cette bâtisse. Justement, cela mérite plus d'études. Plus de? Plus d'études. D'études. Oui, mais à l'achat, il vous en coûtera le double de réparation. Nous devrions quand même continuer à regarder ce qu'il y a de là, derrière cette porte inondée. Je pense. J'ouvre la porte. Alors, avant de vous engager dans le couloir, vous allez chacun me faire un test de perception. Pour ma part, je me dirigerai en direction de la sortie. Du coup, qui a réussi son test? Moi, j'ai réussi. Moi, j'ai réussi. Moi, je sais pas. Alors, Gary, je vais te dire ça tout de suite. Gary, c'était en quoi? C'était en perception? Tu as perception 70, Gary, donc tu as réussi. Oui, oui, c'est bon. Donc, vous deux, vous n'avez pas fait le test parce que vous n'êtes pas encore dans le couloir. Vous êtes resté dans la salle circulaire. Donc, vous trois, vous voyez de manière très rapide une bête noire très petite avancer de gauche à droite au fond du couloir. De gauche à droite. Est-ce qu'elle a deux pattes? Hein? Est-ce qu'elle a deux pattes? Elle a deux pattes. Ah, c'est bon. Bah, je l'éclaire. Vas-y. Elle est déjà partie, elle est passée rapidement. Ah. On peut pas la suivre. Si vous voulez. Partite. Je propose d'essayer de la courser. Ouais, je pense aussi, ça peut être intéressant. Elle est partie dans le couloir qui mène au numéro 9. Ok. Ben, go. Du coup. Enfin, bah oui, je pense oui. Allez. Go, go, go. Hey, faut pas qu'on la perde de vie. Faut suivre la poule. Très bien. Donc vous dirigez vers le couloir. Vous sentez vos chaussures qui commencent à solidifier un peu plus, c'est pas très agréable. Splotch, splotch, splotch, effectivement. Vous ouvrez la porte et vous arrivez dans ce qui vous semble être la cuisine. Une odeur infecte vous envahit les narines. En effet, une fois que Gary ou Harry a illuminé les tables, vous voyez des restes de nourriture. Encore entreposé de manière très belle, mais totalement périmé depuis des années. Putréfaction, le truc. Ouais, je vois. Bon, cette poule, il y a peut-être un poulailler dans le jardin, ou alors autre possibilité. Qu'est-ce que c'est infect ? Et dès que vous arrivez devant la cuisine, vous voyez un autre escalier qui monte juste en face de vous. Un escalier, ok. De toute façon, vous avez tous la carte. Ça a l'air d'être un stock de nourriture. Elle est peut-être montée, la bestiole. Ouais, peut-être, ouais. Vous ne savez pas si elle est restée dans cette salle ou si elle est montée. Ah oui, viens, on la cherche d'abord, peut-être. Tout ce que... Donc vous commencez à chercher dans cette salle? Ouais, je pense. Les escaliers, ouais. Y a pas d'eau qui me... si on monte les escaliers. Alors, Noah et Adelaide, non, y a pas d'eau si vous montez les escaliers, non. L'eau, elle est juste dans le couloir... Entre la salle numéro 6 et la salle numéro, le grand couloir qui mène salle numéro 8, salle numéro 9. Sur la carte, je vois qu'il y a une petite salle, il y a un espèce de petit cellier, il y a deux petits celliers. Oui, au-dessus des escaliers. Celui qui est à droite est devant la flotte, celui qui est à gauche est dans un couloir qui sent pas très la rose. Ok, je les vois. Qui va voir? Non, je regardais sur la carte. Non, au niveau de la cuisine. Au niveau de la cuisine. Je peux, dans la cuisine. Au niveau de la cuisine, oui, il y a des petits celliers, oui. Mais étant donné que vous les avez suivis, Vinoa et Adelaide? Non, moi j'ai dit de retourner dehors pour accompagner la jeune demoiselle, comme je l'avais promis. Très bien, donc... Qu'est-ce qu'il est galant. Je vous invite à aller dans la taverne, alors. Très bien. Ok, du coup, je m'approche d'un des deux celliers qu'il y a dans la cuisine, peut-être celui plus au fond. L'un des deux celliers qui est au fond de la cuisine. Ouais. C'est bien ça. Je suis tentée de... Moi, je fouille la pièce à la recherche de la poule. Alors, il y a le cellier qui est directement juste à côté de la porte. Mmh. Donc, tu regardes à l'intérieur, il y a... Enfin, c'est un cellier, quoi. Il y a... dans une nourriture, ça pue encore plus la mort parce qu'il y a encore plus de nourriture qui a pourri. Ouais. Et si tu continues un peu plus loin, tu vois juste derrière la table deux pieds qui dépassent de la porte du cellier qui est ouverte. Des pieds et humains. Des pieds qui ont l'air humains et tu vois un peu de fumée noire qui dépasse. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que c'est que cette fumée noire? Je crois que j'ai retrouvé l'un des six disparus. Quoi? Arrive. Bah, du coup, oui, moi, je vais. Très bien. Tu t'approches et tu jettes encore un coup d'œil et vous remarquez que il s'agit d'un homme assez âgé, avec des vêtements déchirés, qui tient une bouteille d'alcool dans la main. Il est en totale décomposition. Cela fait très longtemps qu'il est là, il pue la mort, et vous ne pouvez pas voir son visage, car il est dans la partie du cellier, où la fumée noire est épaisse, et commence à se répandre le long du corps du mort. Est-ce que ce serait une des victimes? Possible, possible, fortement possible. Qu'est-ce que c'est que cette fumée noire? On avait quoi comme... Harry, vous avez pris des notes. Qu'est-ce qu'il y avait comme... Oui, comme... Est-ce qu'il y avait un vieux? Alors, vieux, je sais pas. Je connais tous les noms. À part les enfants, les autres, je sais pas leur âge. Ok. Ok, on l'embarque. Est-ce que je... Après qu'il y a un coursier, un boucher... Deux enfants, deux jeunes filles. Il y a un coursier, il y a un boucher. Alors, je vais vous redire la... Il y a Robert Richard, Alicia et Becca. Robert Richard, c'est un habitué des bars du coin qui squattait souvent la demeure pour les nuits fraîches. Ah bah, c'était lui. C'est lui. Voilà. C'est Robert. Bon, non, on l'embarque. Vous essayez de le tirer de là? Ouais, on essaie. Ouais, très bien. Au moment où vous le tirez, vous remarquez, du coup, vous voyez sa tête et vous voyez justement qu'il n'a plus de tête, mais juste un crâne. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, vous voyez son cadavre qui était en décomposition, vous voyez encore la chair, mais au niveau à peu près du buste, c'est un squelette. Waouh. Déjà en demi-décomposition. Et vous voyez la fumée noire qui se répand encore plus au sol, qui commence à vous lécher les pieds. Attention! De la fumée noire. Hein? Je recule. Éloignez-vous de la fumée noire, c'est ça qui a dû les bouffer. Ok. Ça, ainsi que les autres squelettes. Est-ce que je peux jeter un truc sur la fumée noire? Est-ce que t'as ce qu'il faut? Je sais pas, je vais essayer voir sa réaction. Vas-y, de l'eau, je sais pas. Y'a quoi autour de moi, Morgan? Autour de toi, il y a plein de trucs en décomposition, des couteaux, des matériels de cuisine. Il y a la cheminée qui est au centre. Il y a un bassin rempli d'eau au bout. Ah, à côté du bar. Je lui jette de l'eau. Ouais. Tu vas pour chercher de l'eau avec une coupelle et tu essaies de jeter de l'eau sur la fumée? Ouais. Ok. Tu fais ça et tu vois qu'il ne se passe absolument rien. Oups, mauvais joueur, mauvais. Je sors mon arme. L'eau mouille juste le cadavre. C'était... Tid. On est dans une cuisine, À l'étage, là, au-dessus de l'escalier, y'a rien qui pourrait nous être utile, peut-être. Mais oui, la on monte à l'étage, on peut monter à l'étage. Selon la carte de Douglas, qui est avec vous... cela mène à une sorte de laverie. Bah on va tenter de monter à la laverie pour s'éloigner de la fumée noire. Mais non, au contraire, on n'aura aucune porte de sortie là-haut. Bah si, il y a une porte qui mène vers autant pour le balcon. Ouais, je sens pas trop, je vais rester ici surveiller ce machin, moi. Vous vous retrouvez bloqué, tu vas voir. Oui, non, mais je vais rester ici surveiller ce machin. Ok, du coup, Harry, je vous laisse surveiller. J'emmène Gary là-haut. Très bien. Attends, c'est Gary ou Harry? Non, c'est... Ah, j'ai inversé les deux. Harry et Gary. Du coup, c'est Gary qui veut rester là. Rester. Voilà. Ouais, Gary Finch surveille la fumée et vous deux, vous grimpez là-haut. Très bien. Donc, ouais. Gary, je t'invite à aller... Faites attention, Gary. Soit dans la taverne, soit dans le couvent, comme tu veux. Faites attention, Gary. Gardez la lame de poche. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Je ne ferai que vous prévenir si elle se déplace. Quoi que ce soit, vous y allez. Très bien. Vous êtes dirigé vers la sortie, c'est ça? Vers la sortie. Ok. Au moment où vous vous dirigez vers donc la porte principale du manoir, vous voyez qu'elle est fermée. À clé? C'est pas moi qui l'ai. Bah, par défaut, je vais tenter de l'ouvrir. Tente de l'ouvrir, elle est fermée. Je peux essayer une des clés que j'ai piquées? Tu essayes une clé et la clé ne rentre pas dans la serrure. Mais qui a fermé la clé? Ma première réflexion sera qui a fermé la clé? Je vais essayer toutes les clés. Tu essayes toutes les clés et aucune ne rentre. Il y en a bien genre 2-3 qui rentrent, mais même si elles rentrent, elles ne déverrouillent pas le mécanisme. Donc on n'a pas la bonne clé. Bon, c'est un peu incongru, mais j'imagine que quelque chose a dû bloquer la porte derrière. Et comment on va sortir? C'est un peu incongru de vous demander cela, mais il y a des fenêtres au premier étage, au rez-de-chaussée. Je puis l'ouvrir et vous aider à passer si vous y tenez. Nous trouverons un moyen d'ouvrir de l'extérieur. C'est une bonne idée. Voyons voir. Je vais aller dans... Il y a une porte qui mène à la pièce. Ah oui, mais non, là, il faut passer par le chemin en haut. Je vais aller dans... Je vais repasser dans le hall. Et je vais aller dans la pièce numéro... Notée numéro 2. 3, simplement. La pièce numéro 2? Ouais. Oui, je vais chercher une fenêtre qui mènerait sur l'extérieur. Très bien. Donc Tu rentres dans le numéro 2 et c'est une salle d'attente qui, à part la saleté à l'endroit et le mobilier assez usé, l'endroit a plutôt été épargné comparé au reste du manoir. Après, ça reste sale, ça reste totalement délabré, mais à part le temps, il n'y a pas eu de grand chose de particulier. Tu remarques effectivement des petites fenêtres plus long en hauteur qu'en largeur. D'accord. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Très bien. Eh bien, menant vers l'extérieur, je vais ouvrir la fenêtre. Tu ouvres la fenêtre. Donc, c'est des fenêtres... Question, c'est des fenêtres à guillotine ou c'est des fenêtres à battant classique, tu vois? Des fenêtres à battant classique. Ok, très bien. Donc, du coup, j'ouvre les fenêtres. Je vérifie la hauteur, mais bon, c'est un peu... Voilà. Donc, après tout, nous sommes dans un lieu assez incongru avec une situation assez incongrue et un mafieux assez incongru. Donc, du coup, autant faire fi des convenances et je vais passer par la fenêtre. Très bien. Vous arrivez donc dans le jardin du manoir. Ah oui, mince, ça passe... Ok, bah... Ah, zut. En voyant que je suis arrivé dans le jardin, je vais regarder s'il y a une... Tu passes une jambe et tu vois que t'es dans le jardin. Oui, voilà. Je vais regarder s'il y a un moyen de sortir du jardin. Tout autour du jardin, il y a la palissade, donc... Bon, après, j'aurais bien une... C'est une... Oui, mais c'est pas une palissade de bois, c'est une palissade de briques, c'est ça? De briques, oui. Ouais. La rigueur, la courte échelle. Elle est haute comment, la palissade? C'est une palissade comment? Elle fait bien 2 mètres, voire un peu plus. Hein. Ah. On va bien réussir à sortir de là. Pas de panique. Très bien. J'ai une bonne constitution, ça devrait passer. Du coup, je vais me retourner vers la demoiselle et je vais lui demander... Vous souhaitez réellement à sa sortir de cette maison? Maintenant que quelqu'un nous a enfermés à l'intérieur, je pense que... Un seul mot et je vous y conduis. Non. Enfin, je pense que ce serait risqué si on croisait celui qui nous a enfermés. Certes, mais celui qui nous a enfermés... C'est mesquin de ma part de dire cela, mais... Si on nous a enfermés à l'intérieur... Vous allez chacun me faire un test de perception. Ok. Si l'on nous a enfermés à l'intérieur, c'est sans doute parce qu'il souhaite y être avec nous. Et non pas pour rester à l'extérieur. Bon, du coup, j'étais en train de discuter, donc je ne faisais pas attention. C'est ça. C'est un homme assez distrait. Adélaïde, tu entends une sorte de petit... Attends! Il y a quelqu'un qui vient d'éternuer. Et ça, enfin, ça sent. C'était accompagné d'un petit écho, donc c'était pas vraiment proche de vous. C'était plutôt en direction des escaliers. Vous pensez que l'autre groupe est déjà revenu des escaliers? Enfin, vers les escaliers. Peut-être que l'appartement n'est pas si grand. C'est un grand manoir. Ah. Oui. Aucune idée, très chère. J'ai entendu un éternuement venant de là-bas. Allons voir. Soit, si vous y tenez. Et du coup, je vais re-rentrer. Très bien. Donc, vous dirigez dans la salle circulaire de... entre les escaliers. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je regarde si je cherche quelqu'un qui aurait pu éternuer. A priori, il n'y a personne. Tu ne vois personne. Désolé de remettre en doute votre oui. Cependant, n'avez-vous pas confondu avec une souris ou un rat ayant fait un petit bruit? Sûrement. Je préfère cette théorie à ce que j'aurais pu entendre. Bien. Vous allez encore une fois me faire un jet de perception. Il grogne tellement il en a marre des jets de perception. Ça passe. Je vais pas me plaindre. Ok, bon. Vous entendez dans l'escalier de gauche une sorte de comme quelque chose qui serait tombé. Genre peut-être un livre genre qui serait tombé ou quoi, un truc de qui serait de ce poids-là. D'accord. Du coup, je vais demander. Y a quelqu'un? Tu n'entends aucune réponse. Faire le tour du lieu tranquillement, assuré. Et je vais regarder s'il n'y a pas un livre pour quelque chose qui serait tombé, tu vois. Il y a aucune bibliothèque. Mais il y a un truc au sol. Oui, voilà, mais il y a rien qui traîne au sol. C'est vraiment l'un des rares endroits du manoir où, à part quelques bouts de verre du lustre, il y a rien qui est tombé. Étrange. Puis, je vais faire un G. Parfait. Bon, allez, le fantôme, vas-y, montre-toi. Ghostbuster, je t'allume. Tu entends encore un bruit et tu vois le mur de l'escalier de droite qui tremble un peu. Quoi? Tu remarques que c'est là que tu remarques que il y a peut-être des portes sous les escaliers. Mais du coup, je me dirige. Là, je ressors mon pistolet et je me dirige d'un pas lent. Ok. Très lent pour ne faire aucun bruit. Tu t'avances. Ok. Et du coup, je cherche s'il y a quelque chose. Genre. Ah, s'il y a des. Dans ma tête, c'est. Je pense. S'il a fait des prisonniers. Enfin, s'il a détenu des personnes dans ce lieu. Je vais le coffrer. Mais alors à perpète. Très bien. Donc tu t'avances tout doucement et tu vas... Mentalement, je jubile. Adélaïde, est-ce que tu le suis? Oui, sur mes gardes, mais je le suis. Donc, vous remarquez quelque chose que vous n'avez pas vu avant, mais il y avait une cordelette qui dépassait du mur. C'est une cordelette qui... Non, mais est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'il semble y avoir une porte? Oui, il y a une sorte de porte. Sous l'escalier, ouais. D'accord, très bien. Ah oui, donc en dessous, genre ouais, sur le plafond. Sur le plafond? Voilà, c'est genre un placard sous l'escalier, genre Harry Potter. D'accord, ok, un placard. Bah du coup, s'il y a une cordelette pour ouvrir, tu vois, genre une anse. Ouais, en fait, en cordelette, oui, voilà, c'est une sorte de anse, ouais. Ok. Du coup, je vais prendre la hanse et puis tout doucement tirer la porte. Bon, ça va faire peur à la personne qui est à l'intérieur, mais bon, honnêtement, je suis pas très très rassuré, donc. Tu ouvres. Je préfère y aller doucement. Tout doucement la porte, et au moment où tu commences à percevoir une sorte d'ombre, tu entends un cri de fillette apeurée. Ok, du coup, je la calme et je dis là, tout va bien. Là. Okay. Et du coup, j'ouvre la porte pour voir. Pour voir ce qu'il y a, et du coup je range tout de suite mon arme. Ok, tu ranges tout de suite ton arme, et au moment où justement tu essaies de... Tout va bien, je suis de la police. C'est un peu un mensonge, mais un peu vrai quand même. Quelques secondes se passent. Pendant ces quelques secondes, rien ne se passe. Puis, en quelques secondes, tu entends un « Papa !» Et elle se jette dans tes bras. Et du coup, là, je reconnais ma fille ? Oui. Je le coffre pour 10 000 ans. En plus, en Angleterre, c'est comme un western. Enfin non, c'est pas du tout comme un western, mais si c'était un western, ce serait comme les Dalton. Il aurait 10 000 ans d'emprisonnement. Bah du coup, je prends ma fille dans mes bras, et du coup, je souris, et je la câline, tout simplement. Elle est comment, là, actuellement ? Tu sens qu'elle est en mode stressée, elle tremble, elle est pas bien, elle est même fiévreuse. Ok, bah du coup, je n'hésite même pas une seule seconde. Du coup, je dis, Mademoiselle Adelaide, nous allons ressortir de ce lieu tout de suite, s'il vous plaît. Pouvez-vous prendre une chaise dans la salle juste à non, côté ? Non, papa, non, il va revenir, le monstre va revenir. Quel monstre ? C'est horrible, j'ai jamais rien vu que c'est un monstre. Là, ne t'en fais pas ma fille, papa va s'occuper de ce mauvais cauchemar. C'est pas un cauchemar, il est vrai, il est réel, je l'ai vu. Et là, au moment où elle te dit ça, elle te montre ses bras qui sont recouverts de griffures. D'accord. Ses bras sont en sang. D'ailleurs, elle t'a attaché ta veste. C'est pas... Alors là, c'était le... Oui, le con, oui, évidemment. Alors, évidemment. Je lui dis... promis, je te crois. Mais ma voiture est dehors. On peut sortir ? Je la regarde dans les yeux. Il vous laissera pas sortir. Pas comme ceux qui sont arrivés avant vous. Pas comme ceux qui sont arrivés avant nous. Oui. Il y avait un grand et puis il y avait mon amie Alicia en haut dans la chambre d'amis et puis il y a eu cette fumée et on jouait à cache-cache et elle recommence à pleurer. D'accord, je la serre contre moi et du coup en temps normal je serais en train de l'engueuler, mais bon, on passera les engueulades pour plus tard. Là c'est le papa protecteur qui agit. Et du coup, je lui demande... Là, ça va aller. Il ressemble à quoi, ce monstre ? Que sache également... Enfin, mentalement, c'est que sache également sur quoi est-ce que je vais tirer. C'est pas trop... C'est grand, c'est noir. C'est à peu près de ta taille. Mentalement, est-ce que le vieux que je voudrais coffrer, il fait ma taille ? Alors je vais dire dis-moi oui. Je vais te dire ça tout de suite. Dis-moi qui est plus grand que moi, dis-moi qui est plus grand que moi. Toi tu mesures 1m75 et il mesure 1m59. Il est plus petit. Ouais mais la taille de ma fille. On peut se dire qu'il peut encore prendre pour 50 ans, hein. Alors, il peut encore en prendre pour 50 ans, hein. Tu veux vraiment le coffrer, ce mec. Oui, mais il y a toutes les raisons du monde. Mais c'est un pourri, ça se voit sur sa figure. Toutes les raisons du monde de le coffrer. Ok. Il faut que je les sauve. Tu entends juste cette phrase-là de ta fille. D'accord. Qui ça ? Les autres. Les prisonniers. Ils m'ont demandé. Il y en a d'autres ? Ils m'ont demandé de les aider. Très bien, ils sont où ? Je continue à porter dans mes bras. Un peu partout dans le manoir. Tu sais où est-ce qu'ils sont ? Non, mais je les vois quand je ferme les yeux. Très bien. Dans ce cas, bon, du coup, on plonge dans le surnaturel, mais on s'en fout, on a vu des squelettes marcher, donc... Enfin, on sait qu'il y a des squelettes qui marchent, donc il y a des bruits bizarres, donc on n'est plus là après. Et honnêtement, ma réputation n'est plus à faire vu que je l'ai détruite dans le passé. Et du coup, je lui dis, très bien. Dans ce cas, si tu souhaites aller sauver, ferme les yeux et dis-moi où il se trouve. Je vais t'accompagner. Je sais pas, il y a le monstre. Le monstre, c'est mon affaire. Sans qu'elle est encore bien stressée, mais elle essaye. Elle essaye. Et elle te dit, les chambres, il y en a plein dans les chambres, à l'étage, et pas seulement. Ce sont des amis d'enfance. Il y en a dans un. Il y en a un dans le placard là à côté. Et puis. Dans le placard à côté. Il y en a un qui pend juste au-dessus du hall. Et puis les autres ils sont en haut et dans la chambre. Du coup au hall on y est. Ou presque. Du coup je lève la tête. Oui. Et je vais regarder un petit peu. Je me déplace un petit peu. Mais genre tu vois ma fille. Je n'ose pas lever la tête. J'ai une main sous son fessier pour la maintenir contre moi. L'autre je la mets contre ma tête pour du coup regarder en l'air et la forcer à ne pas pouvoir regarder. Enfin, tu vois la forcer à être contre ma chemise. Tu vois, oui. Contre mon vêtement. Et du coup je regarde. Donc mon pistolet par contre il est du coup dans son dos mais je la tiens avec mon bras, oui. Mon avant-bras. Et du coup je regarde en l'air. Oui. Voir s'il voit quelque chose. C'est jamais. Il y en a qui pendouille. Il pendouille. Oui. Il y a toujours le squelette. Il y a toujours le squelette qui pendouille. Il est prisonnier. Il me demande de l'aider. Et mentalement, je me dis, et voilà que ma fille est possédée. Donc, daily shit. Maintenant que je vous ai fait part de ces rebondissements rocambolesques, je vais vous laisser retourner à la taverne et m'envoyer des autres. Bonne chance. Merci. Donc, Gary, tu es donc resté devant la fumée noire, totalement noire. On s'est rendu compte d'un truc, hein, je crois. Juste. Mais avec. Donc Serena s'est rendu compte. Oui. J'espère que. On espère se tromper. De quoi ? Serena s'est rendu compte Ton de quelque chose. Mon inspiration, je crois que j'ai trouvé d'où elle venait. Mais. Bah peut-être, on verra à la fin. Non, moi je te parle de la salle où tu nous as emmenés, Serena. Vous êtes donc montés à l'abri, vous deux. Ouais, peut-être à l'abri, on ne sait plus. La laverie. Ouais. Vous êtes à la laverie. Là où il y a du linge qui pend. Et d'ailleurs, vous pouvez voir maintenant le squelette qui pend justement depuis la laverie. Ah, que vous avez okay. pu voir depuis le hall. Et si vous vous penchez un peu, vous voyez Noah Davis et Adélaïde qui sont un peu en contrebas vers les escaliers. Et vous voyez Nora Davis qui serre dans ses bras une petite fille. Oh, elle est blonde. Oui. Ah, il a retrouvé ses gamines. Tant mieux, faudra qu'on l'interroge. Parfait. C'est une bonne nouvelle, elle est encore en vie. Ah non, attends, elle est encore en vie ou elle est morte? Non, elle est vivante et... Ah. Ils ont l'air de faire un câlin, elle a l'air de pleurer. Et d'ailleurs, je vais faire un petit test. Eh, regarde le squelette. Oui. Et en fait, non, rien ne se passe. Aide-moi à travailler le squelette. Comment tu veux qu'on le... Bon, je sais pas, on va le retourner, voir s'il n'y a pas des indices dessus. Allez, on le prend. Ce squelette, c'est un indice. Noah, Adélaïde, pendant que vous regardez le squelette qui est en haut, vous le voyez... Je ne le regarde pas, le squelette. Enfin, toi, tu le regardes pas, mais Noah, tu le regardes. Oui. Et tu le vois qui se fait happer par Harry et Serena qui sont en haut. Est-ce que ma fille, première rêve, est-ce que ce que tu sais réagit ou pas sur l'instant? Elle n'a pas l'air de réagir et elle réouvre les yeux en mode. D'accord, très bien. Bah, du coup, je la. Oui, non, elle est maintenue contre moi. T'inquiète. Voilà. Ne bouge pas. Et du coup. Je vois pas mon ami. Ah, mon ami qui m'aime bien. Il est là ou pas? En haut. Je non, vois ou pas? Il n'est pas en haut. Ok. D'accord. Son ami. Ouais, mon ami. Douglas. Mon ami Douglas. Vous connaissez pas mon ami Douglas? Si. Si, c'est mon ami Douglas. J'irai lui apporter des oranges pour Noël. En prison. En prison. En zonzon. Ok, du coup, il faut que j'arrive à sortir. Ok. Du coup, je ne dis rien, absolument rien, pour l'instant. Harry Anderson, est-ce que vous dites des choses à ceux qui sont en bas? Non. J'ai rien à dire. On va juste taper le squelette. Très bien, donc vous prenez le squelette. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, on récupère le squelette. Est-ce qu'il y a des choses dessus? Ou est-ce qu'il est dans quel état il est? Il est dans un état de squelette. Il a l'air d'être... pas trop fissuré ni abîmé. Inconscient. Il est presque... Enfin, ses os sont propres, ils sont solides, il a juste plus rien, c'est un squelette. Ok. Il n'y a plus de vêtements, il n'y a rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Ok. Étrange, étrange, mais qu'est-ce qu'il faisait pendu là-haut, celui-là? S'il a été dévoré par la même chose qui a dévoré l'autre en bas. Ah, la fumée! Peut-être. Je ne sais pas si la chose en question a laissé de la fumée ou... J'espère d'ailleurs que Gary s'en sort. Ouais. Du coup, fouillons un peu la pièce et continuons sur le balcon. Le balcon, oui. Ouais, du coup, fouillons un peu la pièce. Vous fouillez donc la pièce et vous entendez d'ailleurs l'horloge qui sonne 22h. Dans 22h déjà? Oui. Non, excusez-moi. 23h, excusez-moi. Ah! Bah, quoi qu'on avait commencé à 21h. Oui. Dans. Tu peux arrêter, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, vous êtes donc dans l'abri. Il est 23h passé. Qu'est-ce que vous faites? On va se diriger vers le balcon et... Ouais. Non, attends. On fouille d'abord la pièce. D'après la carte, ensuite, il y a les chambres en face à explorer. Oui. Mais d'abord, fouillons un peu la pièce. Fouillons un petit peu. Parce que la bête semble être passée par là. Un petit jet de perception. Ouais. Alors. Harry Anderson, 55, ça passe. Réussi. Serena... 65, ça passe. Yeah. Super collègue. Dans cette pièce, vous ne remarquez pas grand-chose de particulier. Il y a toujours du linge qui pourrit un petit peu là. Il y a la porte qui mène au petit balcon véranda de l'extérieur. Est-ce qu'il y a des draps qui sont étendus ou pas? Il y a des draps qui sont étendus, oui, entre la laverie et la cheminée. Très bien, très bien. Continuons, allons vers les chambres. Peut-être qu'on y trouvera des choses intéressantes. Ouais, donc vous passez par la véranda et vous rentrez dans les chambres et vous pouvez même faire toutes les pièces. Vous ne voyez rien de particulier, pas le moindre squelette. Les chambres ont l'air d'être plutôt propres, même si le temps est passé par là. Évidemment, il y a des toiles d'araignée un peu partout, mais a priori il n'y a pas grand chose de plus. Très bien, très bien. Bah, on retourne en direction de la cuisine pour... Ouais. Voir. Comment aussi Gary s'en fort? Très bien. Voilà. Gary. Coucou. Gary. Tu es donc resté avec Douglas dans la cuisine en train de surveiller cette ombre pendant que tes acolytes sont montés à l'étage. Tu vois cette ombre qui commence à s'étendre de plus en plus et... Tu vois même le cadavre qui commence à bouger. Doutez un peu. Hein? Et à cette ombre en plus, vers moi. La brume s'étend vraiment de plus en plus dans la cuisine. Et le cadavre commence à se relever de plus en plus vite. Tu vois Douglas qui pétrifié par la peur, il arme son fusil. Et il braque en tremblotant le cadavre. Bah, je lui dis de surtout pas lâcher le cadavre. Et j'essaye d'éclairer. Il le tient en joue en fait. Oui, mais voilà, oui. Il y a qui... Je lui dis continue à viser le squelette. Ouais. Et moi j'essaye peut-être d'éclairer l'ombre. Tu essaies d'éclairer l'ombre, ok, tu éclaires l'ombre, c'est. Tu éclaires l'ombre, tu ne vois pas plus le cadavre qui est caché par l'ombre que ça. L'ombre, la brume est vraiment compact. Genre, tu vois rien au travers. Ça ne le dit pas plus. Je fais un jet de stress pour Douglas, d'ailleurs. 54, il arrive à gérer, je crois. Ouais, il arrive à gérer. Moi, du moment où l'ombre ne s'approche pas trop, est-ce qu'elle s'approche des escaliers? Pour l'instant, non, mais si tu vois qu'elle continue à grandir comme ça, il y a moyen que toute la cuisine soit submergée. Je pense que dès qu'elle va commencer à sérieusement s'approcher des escaliers, je vais appeler les autres. Qu'elle revienne. Ok, bah là, elle avance. Et bientôt, vous finissez par être près de la porte de sortie des escaliers. D'accord, donc là, je vais appeler les autres. Ok. Et bah, appelle-les. Appelle Harry et Serena. Donc, vous avez entendu donc Gary. Qu'est-ce que tu leur dis, Gary? Harry, Serena, revenez par ici. Ouais. On arrive! Dès que vous descendez pour voir Gary, vous voyez la fumée qui était. Qui cachait seulement la tête du cadavre lorsque vous êtes parti, qui maintenant s'étend sur toute la cuisine. Et vous pouvez juste sortir de la cuisine et monter aux escaliers, c'est tout ce que vous pouvez faire. Alors que la fumée continue d'avancer. Et Gary, il est où? Je suis pas dedans. Moi. Gary, il est pas dedans et Douglas non plus. Ils sont dans l'escalier? Ils sont entre l'escalier et la porte. Faut qu'on se barre d'ici. Okay. Je vous ai appelé pour ça, je voulais pas que vous soyez piégés en haut. Et t'as bien fait parce qu'il y avait pas de porte de sortir. Là-haut. D'ailleurs, vous allez tous me faire un jet de stress. Tous, même, même Douglas. Ok, Harry, c'est réussi. Douglas j'ai... aussi. Gary, ouais, j'ai un doute. Gary, tu n'as pas réussi, Gary. Et Serena non plus, je crois. Ah, je loupe de deux. Serena, tu avais de sortie ton pistolet? Non. Non, tu n'avais pas sorti, seulement Douglas. Donc Douglas, il va tirer. Va tirer donc sur le... Oui, d'ailleurs, sur le cadavre qui s'était relevé. Bah d'ailleurs, il en est où, lui? What? Non, j'ai... Ah bah oh. Dégâts maximum. Headshot. Très bien. Donc... Il vient de tirer un coup et le cadavre tombe par terre dans la fumée sombre, vous ne le voyez plus. Il est genre comme aspiré par la mare de fumée qui continue à avancer. Vous avez 5 secondes, 4, Gary, arrive. On se barre. Vous barrez par quelle porte? La porte ou les escaliers? Ouais. La porte. Ok, vous parlez pas la porte, j'imagine que vous la fermez. Oui. Ouais. Hop. Vous revenez dans le hall ou vous passez par une autre porte? On se retrouve dans le hall, là. Ok. Un coup de feu a éclaté. Noah, la fille, continue de pleurer. Elle est en pleurs. Donc vous vous retrouvez dans le hall. Je vous laisse faire un débrief. Point strat. Il y a tout le monde dans le hall? Il y a tout le monde dans le hall? Oui, point strat. Oui. Vous êtes où, vous, les autres, qui viennent d'arriver? On vient de sortir de la cuisine en se barrant. Bon. Le coup de feu venait d'où? De la cuisine. Ok, le proprio, il est où? Il est avec vous? Ouais. Oui. Douglas est avec vous, c'est lui, c'est même lui qui a tiré, il le reconnaît. Non mais ça, ok. Je l'ai pas posé, c'est juste, est-ce que je le vois, en fait? Voilà. Ouais, il est avec nous. Alors, comment dire Serena et... Non, c'était qui? Qui avait pas géré son stress, du coup? C'est moi. Moi, je crois que je l'ai mal géré, mais... Ouais, du coup, ils ont pas d'effet secondaire, non? Non. Ok. Bon, mais... c'est pas génial ce qu'on a vu là-bas. Ouais. Quoi? Oh. De l'ombre en train de faire un mec. On a vu le squelette de l'étage, quelque chose à redire, et c'est tout. On aurait dit une sorte de trou noir qui se nourrit de la matière organique. Ouais. Il était prêt à nous absorber, au passage. Oui, il aurait pu. Oui. Nous, on a... Il a l'air... C'est lui qui a l'air de donner vie au squelette. D'une manière ou d'une autre, je ne sais. C'est le monstre, je suis sûr, il est là, il arrive. C'est la fille de Noah. Ok, ah. Très bien. Alors ne tentez pas, la situation est maîtrisée. Mais... Non, il arrive, je le sens, il arrive. Vous avez rien maîtrisé. Mais qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? D'ailleurs, au moment où elle dit ça... Taisez-vous. Du coup, je prends la voix, je dis, taisez-vous. Prenez les chaises dans la salle d'à côté, sortez dehors, on va passer par le jardin. Au moment où vous entendez ça, au moment où elle le dit, vous vite. Entendez la porte de la cuisine qui fait un gros... C'était quoi ça? Je me dirige vers la salle avec les chaises, tout simplement. La salle avec les chaises. Je vais le suivre. La salle numéro 2. Oui, il y a des petites chaises. Oui. Voilà. Du coup, je tiens ma fille d'un bras contre moi. De l'autre, je range mon flingue dans ma poche arrière. Faisons gaffe à la sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Et du coup, je prends une chaise. Je la balance par la fenêtre. Enfin, je la balance. Je la soulève par la fenêtre que j'ai laissée ouverte. Bien. Menant sur le jardin. Puis, je vais dire... Prenez-en une seconde et sortez. Ça veut dire que tu balances la chaise pour péter la fenêtre? Mais non, la fenêtre elle est ouverte. Ah, d'accord, okay. Ouverte avant. Tu sais, c'est la fenêtre que j'ai ouverte. D'accord, ok. Très bien. Du coup, et après je vais tenter de sortir dans le jardin. Très bien. Du coup, je dis à ma fille... Je te promets, on reviendra avec les policiers. Mais ils veulent pas venir, les policiers. Harry, occupe-toi on des a des civils, preuves, c'est je reste bon. En arrière. De quoi, Serena? Harry, occupe-toi des civils, je reste en arrière. D'accord, non. Du coup, je passe par la fenêtre. Je sors mon flingue. Je vais passer après lui. Alors, je sors mon flingue. Donc, du coup, les dames d'abord. Noah sort en premier, c'est ça? Oui. Ok. Avec sa fille. Ok, ensuite, qui suit? Moi. Ouais. Noah, Adélaïde, puis... Gary, je vous laisse passer. Ok, d'accord, et les deux agents de la DMO en dernier. Ouais, je passe en dernier. Ok. Donc, Noah, Adélaïde et Gary, vous allez me faire un jet de perception. Je le okay. sens. Ouf. Ouh là là. Et qui ouais, a réussi? Il y en a un qui aurait dû passer devant et un qui n'y a pas de... Bon, Gary a totalement échoué, Adélaïde aussi. Oh la petite fille, Chialdro. Et Noah aussi, voilà. Très bien. Vous descendez, c'est dans important. Vous descendez dans le jardin, vous êtes totalement en mode stressé, vous ne réfléchissez pas. Harry Anderson vous et Serena vous suivez, vous allez aussi me faire un jet de... du coup de... Essayez de voir quelque chose, s'il vous plaît. Voilà, donc Harry 37 a réussi, je crois. Ah, ah c'est... Serena, c'est pas ça, non. Waouh, la vieille pub. Le serveur, il est cool. Ok. Donc Serena, tu fais un 9, et Harry Anderson, tu fais un 37. Donc ouais, vous descendez et vous voyez les autres avancer vers ce qui semble être de la brume noire. Merde, ok. Merde. Qu'est-ce merde. De quoi on va s'en soumettre encore là? Si vous ne leur dites pas dans 5 secondes, elle va les attraper. 5. Faites gaffe à la fumée noire derrière vous! Elle va vous bouffer! Regardez, la fumée! Attends, non, mais je regarde par où? MJ, je regarde par où exactement? La fumée noire est. En fait, elle est en train de se dégager du coin de la. Non. Du jardin en fait. Moi j'en remonte. Le seul coin du jardin qui n'est pas à côté qui n'est pas à côté d'un mur de la du manoir. D'accord. Ok, je vois. Donc la fumée commence à s'étendre et elle a même atteint le premier petit elle bassin. Le premier petit bassin. Il n'y a pas de bassin. Ah si, il y a deux bassins. Oui, il y a un petit bassin et il y a la fontaine. D'accord, donc elle a atteint le petit bassin. Oui. Oh fuck. C'est un bon plan ça. Moi je remonte. Et vous voyez. Il y a la porte, du coup, je vois quand même la porte à côté. Du coup, elle est à l'opposé de nous et il y a la porte qui mène à je ne sais quoi là. Il y a une porte avec un porche. Oui, il y a la porte avec un petit porche en effet. Et d'ailleurs, à moins que la fumée commence à avancer tout doucement. Okay. Attends. Moi je vais courir vers la porte avec le porche. Très bien. Et en passage, je vais prendre la chaise et je vais essayer de voir la progression de la brume. Parce que moi, ce qui compte, c'est que ma fille sorte de ce lieu. Oui. Donc, du coup, est-ce que je cours à pleine vitesse là par contre. Là, j'utilise toutes mes forces, tout mon pouvoir. La porte est totalement ouverte, donc tu peux très bien rentrer. Oui, sauf que c'est pas ce que j'allais faire. Du coup, quand j'arrive au niveau de la porte, elle est où la brume? Elle est au niveau du 5. Elle a, de quoi? Elle est au niveau du 5, encore. Elle est au niveau du 5. Du numéro 5, sur Jordan. Ok, du coup... ok, j'ai fait le tour de la maison. Est-ce que je sais si derrière il y a des buissons? Derrière... Derrière la palissade. Non, pas spécifiquement, non. Il y a combien de mètres de dénivelé? À peu près plus de 2 mètres. Ok, donc du coup sur la chaise, je tiens ma fille, elle aura 1 mètre, elle aura sa hauteur en moins. Donc du coup environ 1 mètre 10 en moins, ça fait 1 mètre de haut. Elle survivra. Très bien. Du coup. Papa, il faut la combattre. Mentalement je me dis, c'est de la brume ma fille, je peux pas flinguer la brume. Au moment où tu te dis ça, vous voyez tous une forme se discerner de la brume. Ah, ça je peux la flinguer. Je pense que c'est un cadavre. Non, ça n'a pas l'air d'un cadavre parce que son crâne a l'air beaucoup plus gros. Je vais pas m'être arrêté dans l'action parce que du coup la brume est encore loin de moi, donc j'ai encore le temps d'aviser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser vite fait la chaise contre le muret, monter sur la chaise, prendre ma fille sous ses bras, je la balance entre guillemets par-dessus, toujours en la tenant, hein, je la balance pour passer ses jambes par-dessus le muret. Je vais l'attendre à bout de bras. Alors attends. Je peux finir de décrire mon action ou... Oui, vas-y. Ok. Du coup, je la balance un petit peu en arrière pour faire passer ses jambes par-dessus le muret, tu vois, qui fait synergie. Et du coup, une fois que je l'aurai à bout de bras avec elle de l'autre côté de la palissade, je vais la faire glisser de mes bras en la tenant sous les aisselles. Et une fois que je serai au plus bas, tu vois, les bras les plus tendus vers le bas pour avoir le moins de dénivelé de chute, il devrait lui rester 1 mètre techniquement, je vais la lâcher. Et je vais lui dire, j'arrive. Ok. Au moment où tu la portes, tu vois qu'elle se débat et qu'elle se dégage de ton entrainte pour se diriger vers la porte que tu ne voulais pas ouvrir d'ailleurs, et elle rentre à l'intérieur de la maison. Elle dit venez, rentrez. Attends. À 9 ans, elle se dégage de mon étreinte, moi qui ai juste ma seconde meilleure stat en physique. Oui. Oui. Je peux courir après la gamine? Oui. Il y a un moment où je peux avoir une cohérence dans mon perso ou... J'ai pas le droit à un G non plus? Tu peux, vas-y, essaye de faire un G. Donc faut que tu fasses en dessous de 13 et elle a pas de malus, c'est ça? Non, pas en dessous de 13, il faut que tu fasses en dessous de toi. Ah. Bah évidemment. Du coup moi je vais tirer... Attends, t'as combien? 65. Je vais tirer sur les créatures d'ombre. Je vais poursuivre la gamine. Qui tire? Moi je tire aussi. Ok, Gary, Serena, vous allez tous les deux me faire un jet de stress. Un jet de quoi? Un jet de stress. Stress. Juste c'est bon. Je suis clean. Ah mince. Ça passe. Ça passe, 39. Ouais, 5. Ouais, on va dire 10 mètres. Vous avez tous les deux un... Non, vous avez un Colt et un revolver, d'accord, ok. Ok, donc vous allez me faire votre jet de dégâts. C'est un D10? Pour toi, c'est un D10, ouais, et à mon avis, pour les deux, c'est un D10, d'ailleurs. Ouais, c'est un D10 aussi. Oui. Ouh. 4 et 9. Ouais. En vrai... Le vieux scientifique, il est tellement plus efficace que les agents. Grave. On l'engage. Il fait tout mieux que nous de cette nuit tout à l'heure. Non, mais après, comme je disais, pour voir, c'est logique au final, parce que je suis un astronome. Ouais, mais tu tirais. Ah, mais tu sais mieux viser. Bah oui, logique aussi. Vous entendez un cri strident qui vous siffle les oreilles. C'est la gamine qui gueule ? Non, c'est la créature. C'est la créature et vous la voyez se relever. Je vais vous envoyer à quoi elle ressemble d'ailleurs. Oh, qu'elle va être belle. Et elle se jette sur le. D'ailleurs, wow. le Ariane Darson, qui a été sorti en dernier ? Non, c'était. C'est moi qui suis sorti en dernier. Moi j'étais avant dernier. Ouais, d'accord, donc. Eh ben. Harry 1, Serena 2. Quoi ? Mon dieu, secours ! J'ai dit Harry 1, c'est ça ? Oui. Oui. Très bien. Harry, tu vas. Mourir. Elle te griffe et tu perds 8 points de vie. Ah oui ! Ah ouais, quand même ! Tu es prise avec la créature. Elle t'a mordu au sang. Et si tu ne réagis pas dans 5 secondes, Serena, c'est bientôt ce qui va t'arriver aussi. Au secours ! Serena, dégage 5, là. 4. Bah, je lui tire dessus, je lui tire sur la créature. Vas-y, fais-moi un jet de dégâts. T'as un beau portant en plus. 3. Très bien, la créature hurle encore et t'attrape Serena et elle t'enlève 6 points de vie. Donc... Est-ce que je peux mais on est vraiment des agents de merde. Est-ce que je peux lui tirer dessus encore ou pas? Fuyez, Serena, pauvre fou. Serena, c'est 6 points de vie qu'elle a perdu. 2, 3, 4, 5, 6... Un jour, ça inspirera un film. Qui veut tirer? Gary? Moi? Vas-y. Ok. Déalaïde, embarque Gary. Gary, tu tires avec ton Colt. Tu as les souvenirs de la guerre qui te reviennent en tête. Les balles fusent. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive là? Atterrit dans la bête qui s'effondre dans la fumée. Oh merde, pas Gary Finch. Je crois que c'est le véritable héros de cette... Décidément, ouais, j'avoue que. Nous, par contre. On ne passera. Bah, du coup, la brume. Alors, moi, je suis par terre en train d'hurler. Harry et Serena, vous êtes en sang. Gary vient d'éliminer la créature, entre guillemets. Vous ne savez pas réellement si elle est morte, car la brume est toujours là, mais elle ne bouge plus. Oh, nickel. Ok. On suit les autres. Ouais. Vous êtes à terre, vous êtes en train de vous vider votre sang là. Est-ce qu'il y a du ciel dans la cuisine ? Du quoi ? Elle est faite. Oui, mais la cuisine, aux dernières nouvelles, a plein de brume. On peut pas faire un garrot ? Non, c'est au visage. Ah là, bah. Il est mort de où exactement ? Vous êtes griffé au bras et au torse. Alors pour le bras, autant on peut en faire un, mais alors autant. Bah déjà, il faudra en faire un au bras. Je sais pas qui. Oui. Marianne ? Oui. C'est qui te s'est fait mordre au bras ? Harry et Serena. Les bras et le torse. Parce que la créature leur a griffé d'un coup et ça a déchiré tout d'un bras à le bras. Faisant des jeux. Ouais, ben... Mais bah, c'est mort. Collègue, je vous aimais bien. Première mission. Dernière mission. Agent professionnel. On repassera. Je peux pas essayer de leur faire un garrot, vite fait, moi, un bras. On verra pour l'autre. Douglas arrive, il n'a pas de matériel de Gary, besoin. Ouais, c'est mais vrai il, que... il vous dit que. Il vous donne des feuilles à mâcher et vous dit que ça peut sans doute vous calmer la douleur. Ça sera toujours ça. On mange aussi. Vous calmez la douleur, vous arrivez à vous lever tout doucement, même si bon, c'est compliqué avec toutes ces blessures. On va s'aider des autres. Douglas va peut-être aider Harry à se déplacer. Quelqu'un a pas du feu. Pendant tout ce temps-là, ma fille, elle leur a fait quoi ? Ta fille est dans la maison, elle vous regarde à travers les vitres du. Dans la maison ? Oui. Oui, il y a le porche dans la porte sous le porche. Je vous regarde depuis les vitres du porche. Du coup, je suis avec elle. Du coup, oui, t'as dit que tu la suivais, donc t'es avec elle. Du coup, on l'a trouvée. Je me sens en sécurité derrière ma vitre. Ah, peut-être pas, hein, parce qu'il y en a dans la maison. C'est bon. Mais venez, il faut sortir. Je répète, au cas où, parce que bon. Ouais. La porte de sortie, elle est là, on a moyen de porter. Enfin, du coup, je rajoute. On portera les blessés, si besoin est. Il oui, faut passer ouais, par-dessus l'appareil au Lussad. On prend les voitures et on se casse. Ouais, venez, on y va, ouais. Okay. Je vais essayer de faire bouger la petite en lui attrapant le bras et en l'attirant vers dehors. Très bien. Tu essaies de lui prendre le bras, mais elle te regarde, elle te dit : il est encore vivant. On peut pas laisser d'autres se faire attirer dans son piège. Il est encore vivant. C'est impossible. On va prévenir la police de ce qui se passe et elle va s'occuper de faire à ce que personne ne puisse. Non, tu mens, elle n'a rien fait. Mais. J'entends le non, tu mens, elle n'a rien fait. Oui. Oui, mais moi pour je te promets d'agir. Elle a attaqué les personnes là que tu vois là-bas. Tu étais le premier à fuir, papa, non. Je peux retirer sur la bête. Juste là. Non, mais la bête. Je suis le premier pour s'en penser à ta survie. Alors maintenant, Becca Davis, tu viens ici tout de suite. Oh là, papa s'énerve. T'as oublié le deuxième et troisième prénom? Oui, je les connais pas. Tu vois qu'elle recule de quelque part et tu sens un truc te cogner à la tête et tu tombes à terre et tu vois ta fille qui court et qui sort de la pièce, hein, en disant non. Attends, je suis toujours dehors, hein, je te signale. Primo. Donc c'est moi qui me prends le coup. Non, il y a un truc qui traverse la vitre et qui vient taper Noah qui tombe à terre. Attends, je prends un truc invisible qui me tombe à terre. Non, c'est une babiole, c'est un livre qui traînait par exemple. C'est un livre qui traînait, et tu te reçois un livre sur le visage, tu perds et un point de ce vie. Livre. De par terre. Et tu j'ai pas le droit d'esquive ni rien. Ça fait deux fois que je me prends des baffes gratuites alors que le mec pourrait le mettre à terre si vous voulez. Ça se passe comment? Il y a un moment je peux agir. Je me fais victime par ma fille qui a des pouvoirs psychiques. Là où moi je ne fais rien. Bon, c'est cool. J'aime bien. Essaye de faire un jet de corps, vas-y. Ok, bah du coup, lorsque je vais voir je vois le livre arriver sur moi. Oui. Bah du coup, je vais l'attraper avec une main. Ou le dévier avec une main. Il a traversé la vitre. Il est en train de traverser la vitre. Ah! Fuck. Bah s'il a traversé la vitre, je descends de ma chaise. Ouais. Et je me protège de mon rat. Ouais, ouais non, si c'est un livre à réaction, on va éviter de. Ouais. On va éviter de le vexer ce livre. Voilà. Et du coup, putain, la petite a encore fui. Ah. Ouais voilà. Donc, essaye de te baisser, mais le livre, au lieu de te toucher au moins au visage, il te percute l'épaule. Du coup, t'as un peu mal, mais ça va encore. Et mais tu vois ta fille qui fonce et qui traverse le couloir qui sentait un peu mauvais d'ailleurs pour retourner dans le manoir. En criant un grand non. Je peux la poursuivre à nouveau. Adélaïde, oui, elle voulait dire quelque chose. Adélaïde. Je peux la poursuivre à nouveau. Tu peux essayer, oui. Donc tu cours après elle et juste en passant la porte. Mais est-ce que je peux retirer son nom pour moi? En passant la porte du numéro 4, tu tombes directement sur le cadavre d'un jeune homme. Le cadavre qui, de qui? Le cadavre d'un jeune homme, Adélaïde, qui passe devant le cadavre d'un jeune homme. Et ensuite, tu la poursuis. Sauf si tu t'arrêtes pour regarder le cadavre. Je vais juste... Si jamais je vois le cadavre du coin de l'œil, j'évite totalement de le regarder. Très bien, tu ok, tu fonces. Ok. Non, rien. Je veux pas voir de cadavre. Il n'y a rien ici. Une fois de nouveau debout, je vais non, je vais pas du tout me soucier des enquêteurs et je vais directement foncer à la recherche. Oui, on vous abandonne le chemin. Noah, tu pars à la poursuite aussi à côté d'Adélaïde. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Je veux tirer sur le monstre. Étant donné que je suis la plus légère, le monstre a disparu dans les feux, dans je vais demander à Gary de m'aider à marcher. Donc okay. Là, ça pourra plus facilement aider Harry. Je peux considérer que Vous savez que dans vos voitures, vous avez sans doute de quoi vous soigner. Bah, forgeons les voitures. Il faut aller jusqu'à notre voiture. D'accord. Là-dedans, on aura ce qu'il faut pour nous soigner. Donc il faut que je fasse passer par-dessus la palissade. Soit ça, soit passer par la porte. J'ai comme l'impression que ça va être un peu dur par la palissade. Par la porte aussi, je me sens mal. Donc il faut qu'on rentre à l'intérieur. Je pense. Mais je me sens mal. Je me sens pas de grimper du tout. Ok, ok, bon, bah, on va à l'intérieur. Ok, allons-y. Très bien, donc vous vous dirigez tous à l'intérieur au final. Vous suivez tous Adeline, Noah et Becca. Vous arrivez au final tous... Oh, là déjà vous passez tous devant un petit cadavre avec une petite fumée noire, mais celle-là est vraiment toute petite à côté du cadavre. Oh merde. Il ressemble à quoi le mec? Attends, tu disais... C'est un jeune homme, à peu près 16 ans la moyenne, à peu près. Ok, on a retrouvé le... Jimmy Billy. Coursier. Le coursier. Ok, 1, 2, on en a deux. Donc vous passez... La gamine. Je considère que vous suivez tous Becca du coup. À peu près. Et du coup, Becca passe et essaye de retourner vers la cuisine. Oh, mais elle va où là? Ne va pas par là, Becca. Becca, tu vas où? Est-ce qu'on peut avoir l'amabilité de savoir courir plus vite qu'une jeune fille de 9 ans? genre, je sais pas. Je demande. Genre, oui, je sais pas. Je considère que. Essayez de la empêcher d'entrer dans la. Je considère que vous avez. Que vous pouvez la rattraper à partir du deuxième placard derrière l'escalier. Attends, je regarde. Deuxième placard derrière l'escalier. Deuxième placard. Bon, c'est rien, faut qu'on aille chercher nos trucs pour nous soigner quand même. Ouais. La petite pièce est-ce qui est derrière l'escalier. Bah, si. Bah, en sachant que je ne suis pas le premier. Là, du coup, c'est Adelaide, oui. Voilà, si Adelaide ne l'attrape pas au niveau du corps, je vais le faire. Et alors là. Elle va se prendre la bave, une bave de daron. Non, parce que je ne bave pas mes enfants. Cependant, je peux te dire que de mon étreinte, elle ne pourra se retirer. Et qu'en direction de la voiture, je vais me diriger. Ok, Adelaide, occupez-vous de la gamine pendant ce temps. On va marcher beaucoup plus lentement. On va commencer à se en direction de la sortie. Puis-je me poser la question de si la petite est possédée du démon ou pas? Parce que... Tu ne le sais pas. Pour l'instant, elle nous attire plus vers le bon. Je ne sais pas. Donc, Adelaide, tu arrives à peu près au deuxième... deuxième placard. Tu arrives à son niveau, est-ce que tu l'attrapes? Comment tu l'attrapes? Je fais mon possible pour l'attraper et l'empêcher d'avancer plus. Tu vois qu'elle se débat et qu'elle crie « Non, la poule! La poule! La poule !» Ah, oh merde. Ah merde. Je me laisse tomber au sol sur elle s'il faut l'empêcher d'avancer plus. Voilà, bon plaquage américain, comme ça que ça marche. Vas-y Adelaide. J'utilise mon poids. Adelaide, fais-moi un jet de corps. Bon, je vais sûrement être trop légère pour une gamine. Non, mais c'est pas possible. Mais il y a un moment, faut inventer des bonus, les gens. Voilà, la gamine est trop forte pour moi. Attends, je vais quand même faire un test de corps pour la gamine. Tu te cognes contre le plancher. Non, c'est elle qui peut pas. Ouais. Bon. Bon, alors, tu n'arrives pas à la tenailler. Cependant, avec la gêne que tu lui as occasionnée, elle se prend un peu le mur et du coup, Noah, tu gagnes un peu du terrain sur elle. Ok, bon et bah moi par contre, j'arrive et je la tenaille et puis je la ficelle avec mes bras. J'ai deux corps. Non, si je rigole. Bien, oh allez, hop, à la voiture. Et fini. J'aurais rigolé. C'est moi le parent, c'est moi le patron. Tu la ceinture et là tu vois qu'elle se débat quand même, mais elle hurle toujours « la poule, c'est la clé! Il faut sacrifier la poule! La poule !» Ça me rappelle un rituel, ça. La poule, il faut la sacrifier dans le cercle. Dans le cercle. Tu vois, elle arrive même à te mettre des petits coups de poing dans... Bon, ça te fait rien, mais elle te met des petits coups de poing dans le visage et tout. C'est la bleue exorciste, elle me brise des côtes. Hop, toc, est-ce toc, terminé. Est-ce que c'est une poule noire, Morgane, la poule? De quoi? Est-ce que c'est une poule noire, la poule? Tu ne sais pas, mais elle crie la poule, la poule. Ouais. En attendant, priorité, faut aller se soigner. Nous, ouais, on va venir. Moi, ça me rappelle un certain rituel. Bon, qu'est-ce que vous faites? Je vais... Ok. Je vais le faire. Ouais, ouais. Si tu me promets de sortir tout de suite. Il faut la sacrifier avant. Il faut la sacrifier avant. Tu vois, la en fait, Noah, tu vois que ta fille ne t'écoute même plus. Elle ne t'entend même plus. Oh. Faut qu'on récupère la gamine et qu'on l'embarque. Je dis qu'elle était possédée. Je ne déconne pas. Je pense qu'il faut pas du tout sacrifier la poule. Je pense que si. J'ai l'impression qu'elle sait ce qu'elle dit, la gamine. Oui, non, mais j'ai l'impression que c'est pas elle. Je le sens pas. Quelle poule? La poule noire! La poule noire! Ah bah voilà, c'est une poule noire. Et merde. Elle est dans la cuisine! Elle vit dans la cheminée! Dans le cendrier de la cheminée! Ouais, mais la cuisine... Très bien. C'est inaccessible, il y a des... Quel cercle? Le cercle, juste là! Et là, vous voyez qu'elle pointe l'endroit où il y a les escaliers. Et au moment où vous regardez, vous voyez une sorte de cercle se dessiner tout seul. Un cercle noir se dessiner tout seul au centre de la pièce ronde. Oui, je vais me diriger vers le placard où, sous l'escalier où était enfermée ma fille. Et je lui dis, très bien, toi en attendant, tu vas rester là. Je reviens te chercher après. Tu ne comprends pas. C'est moi qui dois faire le rituel. Ouais. Et là, du coup, je suis en mode... Hein, pardon, hein, okay. ma fille, je vais laisser ma fille tuer une poule, hein, non, c'est le père de famille, fuck off, T'as pas le choix, c'est hors de ta puissance, hors de tout ce que tu peux faire, hors de tout ce que vous pouvez faire, c'est hors du temps, hors de tout. Comment ça peut être hors de tout? Et tu vois qu'elle recommence à pleurer. Qu'est-ce que t'as mis dans son café, Harry? Harry, écoutez, fuyons ce manoir, on s'en fiche de cette poule, on s'en fiche de ça. Mais il va y avoir d'autres victimes. Je pense pas que ça puisse nous aider de tuer une poule dans un cercle. Mais il va y avoir d'autres victimes, le mieux ça reste quand même essayer. Le mieux ce serait de cramer le manoir. Très bonne idée, mais faut réussir à faire à ce que les gamines nous suivent. Qui veut l'assommer? Faites-moi tous un jet de perception. Et dites-moi qui a réussi. C'est un échec. Réussi. Adélaïde. Raté. Ouais, Noah a totalement raté. Il n'y a que Adélaïde qui a réussi. Très bien. Donc Adélaïde, tu entends... Derrière toi, dans la salle numéro 4. La salle qui est tout en haut. Celle où il y avait le cadavre. Bon, les blessés, je vous propose. On se barre tout de suite. La salle numéro 4. Ok. Bah, je me retourne et... Que quelqu'un s'occupe de la fille, moi je fonce chercher la poule. D'accord. De toute manière, je vais laisser personne toucher à ma fille, et du coup, vu qu'elle pleure, bah finalement, je la maintiens contre moi, et sans lui laisser forcément le choix, je vais me rediriger vers l'extérieur, parce que bah du coup, on va sortir. Merci. Vers l'entrée principale. Parce que... Non. Ouais. L'entrée principale. Non, vers le jardin. Je repasse par le jardin. Wait. Non, d'abord, je regarde par la fenêtre qui doit être. Je dois avoir un angle de vue. Je me décale pour avoir un angle de vue sur la fenêtre de la salle numéro 2 pour voir s'il y a toujours la brume dehors. Ok. J'ai pas cassé. Je l'ai ouvert. Tu fais moi un jet de perception parce que c'est quand même assez loin. Genre, même il y a plusieurs murs. Non, mais il y a une ouverture. Il y a pas de mur. Il y a une. Oui, mais c'est quand même loin et puis il faut que t'aies vraiment le bon angle. Ok, ça passe. C'est bon, ok, ça passe. Tu remarques que la brume est toujours là, mais qu'elle ne bouge toujours pas. Bon. Et bah, du coup, je vais faire le tour. Et je vais repasser au plus près de la fenêtre. Enfin, au plus près. Non, pas au plus près de la fenêtre. Je passe par la fenêtre. Je passe par la porte. Je fonce vers la chaise. Je saute sur la chaise. Je passe par-dessus. Je retape ma fille. Enfin, je garde ma fille dans mes bras. Et hop, tac-tac. Je précise que juste avant que vous ayez récupéré Becca. Les 12 coups de minuit ont sonné. Oh non, fuck. Donc, tu voulais retourner par le jardin, par le même passage que elle est passée? Oui. Ok. Donc. Je retourne par le oui, par la porte. Ok. Donc, au moment où tu arrives à la porte du numéro 4 pour passer dans le petit salon, tu n'as même pas le temps d'arriver au bout du couloir que tu vois déjà l'ombre qui dépasse la porte. Eh merde. Bon, plan numéro B. On part d'entrée. Adélaïde, oui. Tu voulais rentrer dans la salle numéro 4 ? Pour aller chercher la poule que j'ai entendue. Vas-y, tu rentres et tu me fais un petit jet de perception. Oh, rien. Cool. Tu vois la poule, tu vois juste la poule au centre de la pièce, elle est assez visible et elle est là en mode. Un bruit de. Je vais fermer la porte derrière moi pour qu'elle ne s'échappe pas et je vais essayer de lui sauter dessus. Oh, ça va être un de ces bordels. Voilà. Je vais poursuivre en essayant de l'attraper, peut-être. Au revoir, fais-moi un jet de corps. 32. À deux, je le rate. Très bien, tu la rates de justesse. Et à ce moment-là... Oh là là. Tu as le droit de relancer ton jet et de retenter de l'attraper. Elle se laisse pas abattre. Ok, tu arrives à l'attraper. Et au moment où tu arrives à l'attraper, tu entends... genre, comme un tas d'os qui tombe de l'autre côté du rideau. Du côté chambre. Je vais ressortir avec la poule. Je ne m'approche pas des cadavres. Mais tu ressors tranquillement, tu as le temps, voilà, tu fermes et tu as la poule dans la main. Mais pauvre poule, laissez-la. Et tu vois, donc du coup, Noah et Becca, vous êtes donc face à l'ombre dans le placard. Du coup, Becca voit la poule, elle dit « Vite, vite, il faut commencer le rituel aux escaliers !» Mais comment ils le font, attends, attends, attends, attends, je suis de retour dans la pièce principale ou... Non. Elle le font. Non, elle dit ça de... En fait, vous êtes pratiquement en fait, au même endroit qu'Adélaïde, à la porte de la numéro 4. Et moi, je pense que je vais regarder Adélaïde et lui dire « Tu ne penses sérieusement qu'une fille qui nous dit de faire un rituel avec une poule peut nous sauver d'une telle situation ?» Tu sais quelque chose, Gary ? Tu dis ça à Gary, tu dis ça à Becca ? Ah, Adeline, Adélaïde. Père, on a vu... Enfin, vous avez vu des squelettes bouger. On a vu une fumée noire avec une odeur atroce. Ainsi qu'un monstre qui nous a attaqués. Vous pensez vraiment que sacrifier une poule... Justement, c'est illogique dans cette situation. Je pense que tout vraiment ça peut s'arranger, celui... mais pas en faisant d'autres victimes. Il faut qu'on s'en aille et qu'on laisse... C'est qu'une poule. C'est une victime tout de même. Ça me paraît évident, on n'a pas de temps. Et je lui fous la poule sur les yeux quand je dis c'est qu'une poule. Bon, c'est la poule, qu'on s'en en finisse et on se barre. Adélaïde, ça va nourrir la créature. Vous avez bien vu qu'elle se nourrissait des organismes. Si, ça va la nourrir. Il ne faut pas fouler cette créature. Pour l'instant, là, je vais tenter de clore le débat en me dirigeant vers la porte d'entrée. Et du coup, je regarde au niveau de la porte, je m'abaisse pour voir au niveau de la porte. Ouais. Et du coup, si je vois que c'est bloqué par, tu sais, le petit, comment dire, le loquet de la porte, tu sais, ce qu'on tourne, ce qui bloque la porte lorsque oui. Tu tournes la clé de la porte. Si tu vois ce petit loquet, je vais mettre mon siku au niveau du loquet et je vais tirer mon chargeur. Très bien. Une balle, puis j'attends, je descends un petit peu, une autre balle, puis j'attends, je descends un petit peu, histoire de vraiment briser toute la partie du... Au moment sur où tu arrives au bassin, tu vois que la porte du sas est également fermée. Donc tu sais que la porte du sas et la porte d'entrée sont fermées toutes les deux. Qui a fermé la porte ? Personne, enfin pas moi. Non, pas fermé. C'était après qu'on soit redescendu qu'on l'a retrouvé fermé, tu te souviens, Noah ? Non, on a trouvé la porte de l'extérieur fermée, pas celle-là. Ouais, mais Douglas est resté tout le temps avec nous et tout le monde était là. C'est ça. Personne ne l'a fermé. Petite parenthèse, on est toujours blessés, nous ? Vous êtes toujours blessés, oui. Et d'ailleurs, vous allez perdre un point de vie en plus parce que vous n'avez toujours pas trouvé de bandage. Mais on allait dans la voiture. Ou d'équivalent. Ouais, on n'est pas allé dans la voiture. Ah oui, bah oui. Du coup, Harry, tu es à 1 PV et Serena, tu es à 3 PV. Ah, j'ai plus qu'un point ? Non, ah, oui, Harry, ah, oui, tu as, Harry, tu as plus qu'un point. Ah non ! Je peux rien faire pour lui, genre je peux pas prendre un bout de bon, je tire dans la porte. Vas-y, je tire dans la porte. Fais-moi un jet de dégâts. Non, mais enfin, non, tu fais juste un jet de stress. Fais juste un jet de stress. Quelle porte ? Bah, la première porte. La première porte. D'abord la porte du sas et après il y a la porte d'entrée. Ah, d'accord, donc tu me. Ok, bon, bah, vas-y, fais. Mais ça ne marche pas. Après tout, c'est pas comme si j'étais utile. Donc tu. Du coup. Tu es trop stressé, tu tires à côté. Est-ce que je peux essayer ? Gary, est-ce oui, que quelqu'un a vu des fenêtres menant à l'extérieur dans d'autres pièces au rez-de-chaussée ? Pas au rez-de-chaussée, à l'étage. Non, je ne crois pas. Mais il faut repasser par la cuisine et. Ouais, mais non, pas la cuisine. Non, la cuisine. Non. Le rituel, vite, les poules, vite ! Ils vont faire quoi pour le rituel ? Il faut au centre, mettez-moi au centre, lâche-moi, papa, lâche-moi. Il ne faut pas faire cette chose, clairement, il faut qu'on sorte. Je pense qu'il faut... Noah, tu la gardes toujours près de toi, d'accord ? Oui, elle va m'en mettre plein la gueule, elle va me faire tu entends, maintenant, tu entends maintenant un nouveau discours, tu n'entends plus la voix de ta fille, mais elle ouvre quand même la bouche et tu entends... Lâchez-la ! Lâchez-la ! Et tu entends plusieurs voix dans sa bouche. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous l'ai dit. Lâchez-la ! Lâchez-la ! On sort. Vraiment, on emmène la fille et la poule, il sera baisé. Non, on emmène la poule et là. Noah ? Alors là, du coup, dans ma tête, il y a le stress, il y a la peur et il y a. Ah, si seulement j'ai suivi des cours de catéchisme quand j'étais petit. C'est pas encore trop tard, tu peux l'emmener. Bon, alors attends, vu que tu es encore en train de réfléchir, je vais la faire un petit jet. Oui, non, mais elle va faire téléporter un objet sur ma gueule, le faire mourir. Ça va être drôle. Attendez. Elle se propulse de toi. Elle essaye mais de. Mais on se bat! Adelaide, il y a Becca qui arrive vers toi et elle essaie de prendre la poule. Vite, donnez-la moi! Ne la lui donne pas, Adelaide. Je prends la poule. Enfin, je garde la poule en hauteur, hein, à bout de bras au-dessus de ma tête pour éviter que la piotte ne l'attrape. Vite! Fais la passe! D'abord, si ce qu'on devra faire avec. Adelaide, si on tuait la poule hors du rituel, ça ferait quoi? Il serait baisé le monstre, on est d'accord. Ou n'importe qui, il faut la trancher en deux. Quelqu'un a un couteau, ah, vite oui, bon, ouais. Quelqu'un a un couteau, il faut la trancher en deux, vite. Un couteau? Oui bon. Bah non, c'est là par la fenêtre. Vous comprenez pas. Bah non, c'est une poule par la fenêtre. C'est pas nos vies qui sont en danger, c'est le monde qui est en danger. Mais qu'est-ce qui... Le monstre, mais on... Fiche du monstre. Non, le monde qui est en danger. Ah, le monde. Un couteau, vite. Quelqu'un a un couteau, les... Du coup, je demande à ma fille, il faut tuer la poule ? Oui ! C'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure ! Je soupire, je suis désespéré, j'en ai marre. Je prends mon petit coup, je... Non ! Non ! Attends, range ça ! Avec un couteau ! Putain... Ouais, bon... Il faut faire tout comme elle le dit. Moi, je me mets à l'écart, je ne me mêle même pas à vos conneries. Plus vous parlez, plus vous voyez que de la fumée noire sort de littéralement tous les coins des pièces. Quelqu'un a un couteau, quelqu'un a un pinel, quelque chose comme ça. Ouais, du coup, je me dirige dans la cuisine, je cours. Tant de pis, tout, je dis, bon, allez, vas-y, faites-le. C'est bon. J'ai dit de tous les coins de toutes les pièces. Regardez le manoir, tous les coins, maintenant, il y a de la fumée noire. Ouais, d'accord, ouais. Comment on est piégé ? On va avoir un couteau s'il y a de la fumée noire partout ? On peut même plus sortir. Y'a forcément quelqu'un qui a un couteau. Non. Non. Bah c'est pas marqué. On n'a pas de fiche, lol, vu qu'on n'a pas fait nos histoires. Non mais si, je peux considérer que vous avez un couteau sur vous. C'est bon. MDR, avec un hôpital, on va couper une poule, tiens. T'as vu là. Ça va plus. C'est ça, oui. La gamine fer, elle a l'air d'être hyper forte. C'est ça, oui. Désolé, hein. Après, sorry, bro. Vous pouvez très bien passer par la brume. Vous l'avez pas testé. Vous avez pas testé. Non mais. Sorry bro, je suis pas. Oui, il me reste qu'un point, je vais pas tester. Non, toi non. Moi, il me reste 3 points. Il faut lui. 5. 4. Bah, c'est bon, je le fais. Mais non, mais de toute manière, je suis pas plus près de la poule, mais c'est bon, vas-y. De toute manière, j'ai rien fait de la game. Tu fais quoi? Je sors mon Opinel sorti du coup du trou du cul du script que je voilà et du coup je l'attends à ma fille et je me casse et j'attends que tu finisses le script. Allez, à plus. Du coup, je lui donne la poule. Mais je tiens la poule pour éviter que vous coupez la poule en deux. Elle vous indique où poser les morceaux de la poule sur le cercle. La brume s'avance. Vous êtes obligé de vous mettre dans le cercle car elle vous entoure globalement. Et il y a une sorte de... Comment on peut expliquer ça? Une sorte d'esprit géant qui se métallise devant vous. Muet. Je me cache derrière l'avocat. C'est quoi ce Je me mets en boule par terre. C'est pareil, même si un bout de par terre. De toute façon, je vais mourir. Je sors une cigarette, fume et j'attends que ma fille règle le problème. Vous entendez, entendez dans votre tête une voix qui dit « Quel est votre plus grand souhait ?» Récupérer des Ne réponds absolument rien. Attends, Harry, t'as dit quoi? Harry, t'as dit quoi? Moi? Oui. Non, mais je voulais prendre un point de vie, mais ça sert à rien. Je lui dis clairement, moi je voudrais partir. Ok. Je veux partir en vie. Voilà. Que tout ça s'arrête. Vous voyez Adelaide qui s'en va. Qui part. Elle n'est plus là. Adelaide n'est plus là. Gary n'est plus là. Je souhaite que ça s'arrête tout Adelaide ça. Adelaide et Gary ne sont plus là. Et. Voilà. Les autres se font aspirer par la brume. Ah bon. On a gagné. Mais non. Il faut écouter le démon. Vous. Attends, on s'est fait niquer alors qu'on n'a pas souhaité. Adelaide et Gary ne sont plus là. Les autres, vous faites embarquer par les ténèbres. Vous, littéralement, vous n'existez plus. Oh, ce game over. Adelaide, Gary, vous vous retrouvez à côté des voitures. Vous êtes sans et sauf. Au secours! Et vous avez gagné cette partie. Nice! Allez, à plus, bonne nuit. Ah, bien joué. D'accord. Tout ça, j'ai hésité à dire quelque chose. À dire quoi? À dire je veux finir marié avec Harry. Serena. Ah, j'aurais dû demander ça aussi. Oh putain, j'adore. Serena, on est trop nuls pour ça. Maintenant aussi, il faut pactiser avec le démon. Après, je vous ai dit dès le départ que c'était un scénario hard. J'adore. Est-ce que vous voulez que je vous donne la description de la créature que vous avez affrontée? Oui. Oui, grave. Vas-y. Le chien de Tyndalos est un horrible quadrupède se manifestant à travers les angles des pièces situées dans les habitations terrestres. Ok. En traversant le temps et l'espace pour attaquer la créature dont il souhaite se nourrir. C'est une démonstration du principe d'existence perspective appelé par les humains manifestation. Donc déjà, rien qu'avec ces deux phrases, vous avez le topo. Ok. Ouais. Juste comme ça. Le truc avec la poule noire, tu le tires par réel rituel, non? Oui, c'est un vrai rituel du monde médiéval fantastique. Et de la confrérie sataniste également. Oui. Bien joué. Et ça existe vraiment, et si vous voulez tout savoir, bon ça je l'ai pas mis parce que c'était un peu ridicule, mais... Ouais, c'est vraiment ridicule. Devant c'est what the fuck. Dans le rituel... Pour faire en sorte que le diable arrive et pour pouvoir marchander un prix, il faut que tu cries autour du cercle « Qui veut acheter ma poule? Qui veut acheter ma poule? Qui veut acheter ma poule? Qui veut acheter ma poule ?» Oh, génial. Génial. Ça, j'ai adoré. Ouais, j'aurais dû demander « Je veux finir marié. » J'avoue, putain. Pourquoi j'y ai pas pensé? Si, on peut la refaire. Et pour le démon qui est apparu à la fin, il fallait simplement dire ce que vous souhaitez le plus et il vous l'aurait donné. Ouais, j'hésitais à le dire, mais... En vrai, moi, je savais pas quoi dire. J'ai dit je voulais me barrer, je me suis barré. Et là, et au moment où j'allais le dire, bah t'as parlé, t'as... Bon, bah, tant pis. C'est pas grave. En même temps, le temps pressait, et puis voilà. Bah, on n'aura pas eu de mariage.